Pourquoi connard? Bien entendu, il n'est pas là. Il y a un petit problème de son, il était parti chercher son café. Non, c'est sa plaque. La bête. La bête arrive. Il y a eu un problème de CD. Annonce. Des annonces, le disque a sauté. Ça serait déjà bien. Bon, excusez-nous déjà pour commencer. On a eu un petit problème de CD, donc vous n'avez pas pu l'écouter jusqu'au bout. C'est dommage. Ouais, mais c'est pas normal. Ça. C'était quoi? Dis-le pour pas qu'il l'achète. C'était la petite Sibianale avec Viens me manger les fesses. J'ai la listériose. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, Pilar. Salut, GG. Rebonsoir déjà, parce qu'on s'est déjà vu. Ouais, ouais. Rebonsoir, Manu. Et salut, Olivier. Salut. Qui remplace donc Rigaud aujourd'hui. Donc, Rigaud qui devait être là et malheureusement il n'est pas là, il a eu un petit empêchement. Donc, alors le débat va porter sur les routiers, la CB. Donc, j'espère que ça va bien se passer mieux que les précédents débats qu'on a fait. Donc, on va attaquer, on va accueillir Coca Lover, 25 ans de Paris, bonsoir. Oui, bonsoir, non, c'est Caca Lover. Ah, excuse-moi. Merci. Palo, Polo, le routier, 24 ans de Dijon. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous, bonsoir Manu, bonsoir Philard, bonsoir Olivier. Bonsoir. Robertine, 29 ans de Pau, bonsoir à toi. Ouais, salut GG, salut l'équipe, salut à tous. Et SCTX, 23 ans de Limoges, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde, l'équipe, salut à toi GG. Salut à toi, je viens de te dire bonsoir, donc c'est pas la peine d'insister. Bonsoir à tous. Ah, ça y est, bonsoir. Vous pouvez dire bonsoir quand même à ceux qui sont sur avec vous là pour le débat. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, tu t'appelles comment? Ça y est, on va commencer parce que. Bonsoir. Alors apparemment. C'est bien passé. Apparemment, on a deux routiers. Si je me trompe pas. Ouais. Ça fait, je suis routier immigré, moi. Ouais, tu commences pas, Polo. Ok. Et on a Robertine, d'après ce que Manu m'a dit, c'est ça? Je suis routière, ouais. D'accord. Non, on dit routier. Non, on dit routière. Ah, moi, j'ai vu un reportage, c'était maman routier, hein. Oui, maman routière. Bon, ok, c'est pas grave, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc, première question, quels sont pour vous les termes de CB les plus fréquents? Donc on va demander à SCTX. Ouais, déjà SCTX, bien sûr. Bah oui, ça. Attendez, qui c'est qui veut parler? Oui. C'est Robertine. Oui. C'est quoi un SCTX? C'est pour savoir si ton matériel fonctionne. Ah, attends, je croyais qu'elle était routière, la jeune fille. Ouais, c'est vrai, ça. Bah ouais, mais. Elle avec un portable. Ouais, mais ça veut pas dire qu'elle a un TX dans son camion. Mais justement, c'est pas la question, on va l'aborder aussi sur ça. Ouais, il y a aussi 144, il y a gastro liquide, il y a gastro solide, il y a gastro anal. Hein? Il y a gastro-anal aussi? Non, je crois pas. Hein. Si, attends, je te confirme. Toi, ça fait longtemps, il y a des nouveaux termes, tu sais, maintenant dans le métier. Il y a plein de nouveaux termes. On parle plus des boîtes à images et tout ça, ça existe plus. Non, maintenant c'est la boîte à caca. Voilà, ouais, mais de toute manière, ça a toujours été la boîte à caca, hein, de toute manière. Moi, je sais que toi, ça a toujours été la boîte à caca, toi, c'est clair. Non, mais même. C'est clair, mon cochon, c'est la boîte à caca. Hein. Non, mais même. Alors, t'es pas en train de bosser, toi? Même. Ouais, c'est le mec. Ouais, c'est léger pour l'instant. Même quand je faisais de la route, ça a toujours été la boîte à caca. Parce que tu conduis comme une merde. Ouais, Polo. Attention. Hein. Polo, je te signale, on est qu'à la première question. Tu me redis une connerie comme ça, tu dégages tout de suite, d'accord? Excuse-moi. Alors, SCTX, tu m'excuseras, on va prendre Polo tout de suite. Ouais. Oui, on va voir. Alors, Polo, Louvier, tout ça. Alors, il y a beaucoup de termes techniques. Hein. Mm-hmm. Portugal, je peux pas te les dire parce que tu comprendras rien. Oui, mais Polo, il faut que tu donnes des termes effectifs. Effectifs. Ceux qu'on connaît. D'accord, alors il y a Breco, il y a tension, je le 22, il y a tension, il y a les combés, les chemilles qui arrivent. Ouais. Il faut cacher la marchandise parce que moi je fais du trafic de pinard. Bon, alors Paolo, tu vas voir Manu, tu vas aller voir. Scoot. Non, il n'y a pas de scoot. Tu me poses une question, je te réponds. Scoot, tu vas là-bas, tu vas voir Manu au standard. T'es raciste. Ouais, tu vas voir Manu au standard, il va t'expliquer comment qu'on travaille avec moi sur les débats. Je reviens. Ouais, t'as intérêt de te calmer avant. Manu, s'il te plaît, tu me l'as calme. J'ai compris, je le calme. C'est bon. On revient avec SCTX. Hein. Robertine et puis. Ouais, tu tournes un peu. Ouais. Robertine, tiens. Oui, oui. Je voulais savoir d'abord combien de temps t'as été routier, toi. Moi, j'ai été routier pendant 4 ans. Ah, pas mal. Mais considères que t'es un vrai routier pendant 4 ans? Disons, je travaillais sur Paris, région parisienne. Je faisais pas mal de... Des quelles lignes, t'avais des photos de cul dans ta cabine de routier? Ça, justement, ça sera le terme du débat. Donc, D'accord. Bon, ça sera la dernière question. J'ai calmé Polo, en fait. Hein. D'accord. T'étais dans quel... comment je peux dire? Il y a des poids, de... À quel tonnage? 19. Ouais, même plutôt dans le poids lourd, en général. 19, et après, maintenant, je sais qu'avant, c'était 38, et maintenant, je crois que c'est passé à 40 tonnes. Si... Il faut un permis spécial, non? Pour le 40 tonnes, c'est le C1. Exactement. Le 19, c'est le C. Et c'est vrai. C'est le truc que t'as avec la mobilette, non? Non. Non, avec la mobilette, c'est quand tu passes le permis 80, c'est... quand t'as le permis 80, tu peux conduire des 19 tonnes. Non, mais attends, laisse-moi expliquer. Quand tu passes ton permis, de toute manière, si tu veux le permis poids lourd, automatiquement, tu passes le VL et la mobilette maintenant. Ouais. Mais tu conduis le camion. Et je suis après... pas sûr qu'on ait le permis poids lourd avec la mobilette. Hein. Non, mais quand c'est ce que j'ai comme permis à l'heure actuelle. T'as le permis mobilette? Jusqu'à 80 cm, plus de 80 cm cubes. Oh, c'est chaud ça. Ouais. Mais maintenant avec le 125, maintenant c'est avec les permis voiture. Donc je suis pas sûr. Hein. Si. Maintenant, ça a été fait. Maintenant, pour conduire une 125, il faut avoir le permis VL. Plus de 2 ans et c'est pas le thème du débat. Attends, celui qui dit que c'est faux, là, tu te calmes, s'il te plaît, merci. Manu. Oui, beaucoup de questions sur Minitel pour te demander en fait ce que tu transportais dans ton camion. C'est bizarre parce que... de l'essence Non, c'était de la... en messagerie. Ils me disent qu'ils sont complètement inconscients. Donc fiche. C'était en messagerie, c'est tout. Ah, c'était des restes de Tchernobyl. En messagerie, t'étais coursé en scooter. Mais non. C'était quoi ton site installé de Huawei, en fait. Sur Internet, c'est déjà beaucoup de connectés. Mm-hmm. Déjà, on est déjà à 6000. On se voit. Et ce qui est déjà pas mal pour un début. Et puis, il y a une petite question. Alors, je sais pas franchement ce que ça vaut, mais donc quelqu'un la pose. C'est est-ce que il est vrai que beaucoup de gens, les routiers, sont de vieux alcooliques, frustrés, sous-évolués? Est-ce que ce serait pas un peu exagéré? Et est-ce que, enfin, tout le monde est quand même pas comme toi. Celui qui s'amuse à dire ça va se calmer. Donc la question, je vois pas du tout le rapport avec le débat. Elle te demande s'ils sont tous comme toi. Je réponds même pas du tout là-dessus. Ça vaudrait carrément mieux. Non, ils sont pas tous comme les gens. Non. Pas de réponse. Robertine. Gérard, il me faut une réponse concrète. Non, de manière... Tu mets quoi? Tu lui réponds pas, tu lui dis au revoir. Au revoir. C'est Polo le routier, je peux te poser une question? Attends, je demande à Robertine avant. Polo, ça m'intéressait sa question. Bon, alors vas-y, Polo. Oui, je voulais savoir ce que c'était ton circuit, quoi. C'était quoi les villes que tu faisais quand tu étais routier? Je viens de là, fallait écouter, je l'ai annoncé. Non, t'as dit que banlieue, t'as pas dit les villes. Ouais, mais Paris sur banlieue, je montais à Rouen, Le Havre, et je faisais du Nancy-Lyon constamment. C'est un jour, toi. Et souvent, j'ai eu l'occasion d'aller à Nice. T'as fait les pays étrangers aussi ou pas? Non. Jamais? Non, j'ai pas voulu faire de l'international en 19 ans. Ouais, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il t'a vu au Liban sur le... N'importe quoi. Sur le Minitel, c'est même pas la peine d'essayer de machiner. En train de vendre des armes. Oui. Attendez, là, pas tous, là. Robertine. Tu picolais déjà quand t'étais routier? Non, quand même pas. Hein. Non, il a attendu. Toi-même, connard. Celui qui s'amuse à ça est privé. Il y a un mec qui met des sons de toi. Hein. C'est à toi d'arrêter. Je peux pas. Sur Internet. Peut très bien le confirmer. Le kyste. Robertine, tu veux répondre à la première question toujours? Ouais, tu me la répètes. Alors, quels sont pour vous les termes de CBI les plus fréquents? QRZ, YL. Ouais. Voilà, plein de trucs. Bon, mais. Bréco. Ouais, Bréco, ça veut dire break parce qu'il a besoin de parler. Bon, STX aussi. Sur Minitel, on me demande que t'expliques ce que c'est qu'un STX. Un STX, on vient de le parler. Ouais, on l'a déjà dit, alors ils nous font chier sur Minitel. On l'a déjà dit avec. C'est pour savoir si ta CB fonctionne bien, si t'as pas un problème de tosse. Ouais, okay. Mais par contre, il me demande comment c'est les autres qui peuvent savoir que ta CB a un problème. Bah parce que on arrive à avoir sur le, avec l'aiguille, on sait très bien. Ouais, si... Parle-lui du tosmètre un peu. Pour un tosmètre et un tosmètre, c'est pour savoir si ton antenne est bien réglée, c'est tout. Fildar, tu arrêtes s'il te plaît parce que j'ai ça. Par contre, j'aimerais bien que tu me. Les auditeurs. Excusez-moi, tu peux me les plier. De quoi? Bah un tosmètre. Un tosmètre, c'est tout. Ça s'écrit comment? Parce ça que... s'écrit comme ça se prononce. C'est comme un tout. Portos quoi. Oh, c'est sur le pain. Merde. Un gros c'est le truc pour le pain, non? Mais non. Oh, non, ça c'est un toaster. Un toaster. Un gros tosmètre. Ah, bon, allez, occupe-toi de l'internet et éteins ton micro. Bon. Gérard, tu pourrais faire un petit sondage pour commencer. Non, non, mais attends, tout le monde n'a pas répondu. Ok, Gérard, tu mais attends, c'est son débat. Non, non, attends. Robertine, donc c'est bon pour toi? On n'a pas répondu, Robertine. En gros, ouais. D'accord. Oh, ça va, Manu? Moi, ça va bien, je te remercie, et toi? Ouais, ça va. Ça va, ça te gêne pas d'arrêter de prendre des bonbons quand je parle? Le vieux skitter, correct. Bon. Pépère, wesh, la pêche. Caca l'over. Ouais, bah alors moi, en fait, je m'y connais pas trop, et je viens surtout là pour m'instruire. Mm-hmm. Parce que les expressions, à part STX, je connais pas vraiment, quoi. Bah, disons... Tu fais quoi, toi, exactement, dans la vie? Bah, moi, j'espère devenir routier. Pour l'instant, je fais rien. D'accord. Ouais, mais t'as pas essayé de voir, de tu connais pas du monde dans ton entourage qui aura une CB qui pourrait t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne avant. Bah si, je crois que la semaine prochaine, je vais chez un pote qui a du matos et voilà. Mmh. Entraîne-toi sur les patinoires quand même. Ouais. Entraîne-toi sur ordinateur. Ouais, surtout sur les patinoires. Mais c'est clair. Bien chaud les plaques. Pas parler d'ouverglas. Non. Donc, moi j'ai répondu à peu près à la question. C'est-à-dire à peu près. Ouais. Bah si. J'ai répondu en même temps que STX parce mais que. C'est quoi déjà STX? STX, c'est pour savoir si ton TX fonctionne bien. Voilà. Et pour savoir si avec le tosmètre, comme on dit. Voilà. Savoir si t'avais pas un problème sur ton antenne parce que souvent. Oui. Tu sais c'est qui l'a inventé le STX? Non. George Lucas. Bon, Paolo, c'est la troisième fois. Bah, alors j'essaye de t'instruire. Non, mais attends, pour l'instant. Partage ta culture, c'est bien, GG. Mais pour l'instant, on parle d'autre chose. Donc il y a plusieurs. Oui, Manu. GG, excuse-moi, mais sur le Minitel, il y a Gorgone qui me demande qu'est-ce que c'est qu'un STX. Pareil, oh, mais merde, ils ont casse de bœuf. Mais non, ils nous font chier avec leur truc comme ça. On en a ras-le-bol. Ça passe c'est quoi de on n'arrête pas. On n'arrête pas d'expliquer. Alors c'est terminé. On ne respire plus. Oh. Bah alors Gorgone. Je vais pas me prendre la tête toute la soirée avec les STX. Ça commence à me prendre la tête là. Quoi merde. C'est pour le toxmètre. Il y a Gérard Lambert sur Internet qui me demande une question intéressante, ça veut dire quoi STX? Merde, tu lui réponds, voilà. Oh là, puis toi aussi, t'es aussi con, je t'ai dit de me passer ça. Hey, tu recommences encore une fois, mais tu vas retourner dans ton studio de prod. C'est marqué là. Ouais, bah si tu continues, tu vas retourner dans ton studio de merde là. Allez hop. Et sur le Minitel? Ouais. Sur le Minitel, y a rien. Bon, Non. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le sondage après pour l'instant, et oh. D'accord. On est déjà qu'à la première question, il est déjà minuit et demi, même pas minuit 25, tu vas pas commencer à me faire faire un premier sondage à la première question. Okay. Alors, les routiers font-ils ce qu'ils veulent sur les routes ou autres? On va demander à Paolo. Alors moi, bon, disons que moi je fais le trajet Paris-Lisbonne, c'est-à-dire que j'achète de la morue sur Paris, à Rungis, et du pinard, et je ramène tout à Lisbonne pour nourrir mon peuple. Ouais, attends, Polo, est-ce que tu peux ramener de l'absinthe parce que tu dis que t'es dans la pinard? Non. C'est qui demande ça? C'est STX, parce que moi je suis dans le poisson justement à Rungis, donc on pourrait peut-être se rencarder parce que moi je cherche de l'absinthe. Et c'est possible, je peux t'en ramener. Il y en a. Est-ce que, mais moi, il faut me payer en escudos, parce que l'euro, je comprends pas, moi. Ouais, non, mais attends, attends, on est en plein business. Attends, dans ces cas-là, vous faites le business hors antenne et c'est tout. Ouais, attends, bon, Manu, tu me mets STX, c'est quoi Paolo. Tu fais une commission, hein, et Paolo, deux bouteilles. Et pour des bouteilles, tu me mets Paolo, STX, en dehors. Allez hop, tu leur dis bonne nuit, comme ça, ils vont régler. Tu leur échanges les numéros de téléphone et qu'ils se démerdent hors antenne, ils font plus partie du débat. Ça leur apprendra. Terminé pour ces deux-là. Ok, je les tège. Okay. Non, tu leur dis au revoir. Non, je leur raccroche à la gueule. Moi, je raccroche à la gueule. Alors, t'as deux autres personnes de. Bah attends, de mieux. Faut que je les rappelle. Ça y est, même pas Olivier Flip, le mec, il se la raconte. Quoi. Alors, Robertine et Caca Lover. Il vient de partir, Caca Lover. Il a coupé Caca Lover. Je sais pas pourquoi t'as Robertine. Ça commence bien. Ça commence bien. Je pense que c'est le moment jamais de faire un sondage, mon con. Ouais, mon con. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mon bon. Parce que tout à l'heure, tu risques de te prendre un portable. D'accord. Alors, fais gaffe à ton matricule aussi, toi. Alors, connaissez-vous la CIBI et les routiers? Alors, 62% répondent de oui depuis la Révolution. Je vois pas ce que ça veut dire. 56% pensent que c'est le métier le plus nul. Ah non, ça c'est faux. Le plus quoi? Le plus nul. Lune. Nul. Ouais, j'ai compris lune hein, aussi. Ouais. Pour moi, c'est faux parce qu'au contraire, c'est un boulot qui est vachement répandu à l'heure actuelle. J'y jouais pas. 32% sont contre ça car c'est des gros cochons, pas spécialement. Si, il y en a une paire, c'est des porcs. Ça dépend de sur qui tu tombes. 17% des gens demandent qu'est-ce que c'est la Sibir. Alors ça commence à me prendre la tête. Bah hein. Ouais, mais bon, ils demandent, donc autant que tu leur répondes. Et moi, je voulais revenir sur le sondage d'avant. C'est clair que moi, je fais du stop, je tombe sur toi, je monte pas. Bah, ça, tu me dis. Pas rien à pied, toi. Non, mais ça, le stop, on va en parler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre. Tiens, Gérard, justement, je voulais te poser la question. Est-ce que t'as déjà pris quand t'as fait tes stops? De toute façon, il y a toujours Robertine qui est là. Ouais, mais de toute manière, justement, on va pas en parler parce que c'est une question qui a un rapport avec le débat, donc on va pas en parler. D'accord. Donc on va attendre que Manu nous trouve d'autres auditeurs, mais sinon, bah, ce qu'on va faire, on va s'écouter. Non, mais attends. Non, ça y est, c'est bon, j'en ai deux de plus. J'ai QRZob. Ouais, mais attends, parce qu'il faudrait peut-être que tu me remettes ça au propre alors. Bon, voilà, vas-y, je vais te refaire une fiche, attends. Bah, vas-y avec ces deux-là. Alors, QRZ, bonsoir. Bonsoir à toi, j'appelle de Orléans, 117.7. Bonsoir. Salut QRZ. Bonsoir. T'as une super trop belle voix. QRZ, hein, c'est ça ton nom? QRZ. Ah, QRZ. Avec un hob. Ok. Ouais. Bon, alors, la question, donc, c'était... Allez. Ouais. Voilà, les routiers font-ils ce qu'ils veulent sur les routes ou autres? Alors donc, Robertine et puis toi, en attendant qu'on aille d'autres auditeurs, si vous voulez. Question internet. Oui, sinon, il y a une question internet. Manu qui demande si ça t'est déjà arrivé sur la route de vérifier ton niveau de graisse dans ton poids lourd avec ta petite jauge. Ça s'appelle déjà, pour commencer, ça s'appelle un niveau d'huile. Donc tu peux lui dire qu'il apprenne bien son français correctement. D'accord. Hein, ça s'appelle un niveau d'huile. Ça s'appelle pas un niveau de graisse. Ok. Parce qu'un niveau de graisse, j'en ai jamais vu. D'accord. Je pense pas que ça existe encore. Elle fonctionne encore ta petite jauge. Ça te regarde pas. Hein. D'accord. Il te demande si la jauge va jusqu'au bout. Là, c'est des questions cons, ça sert à rien. Oui, Manu. On accueille Pousseau. Pousseau. Salut Pousseau. Il a... Bonsoir. Oh le Larsen. Bonsoir. Tu t'appelles d'où? De Paris, Gérard. Bonsoir Gérard. D'accord. Rien que ça. On a à part Pau, Orléans. Capitale, c'est bien. Moi, je suis pas de Pau. Je suis à côté de Pau. Ouais, mais. Eh, doucement là, tous les deux là-bas. Ouais, mais il fait chier, il a pas fait des pages. Moi, je suis alors, Pousseau, Robertine et puis Curzob là. Ouais. Donc la question c'est les routiers font-ils ce qu'ils veulent sur les routes ou autres? Donc qui veut répondre? Ben ouais. Tiens Pousseau. Pousseau. Excuse-moi, j'ai très mal compris ta question là. Les routiers font-ils ce qu'ils veulent sur les routes? Ah oui, j'avais ouais. Bah ouais, je trouve que d'ailleurs les routiers sont un peu cons sur ce point-là, parce que sur la route c'est très chiant de croiser des routiers. Mmh. Ils font des queues de boissons et tout, et non c'est des abuseurs. Ouais mais alors attends, dans ces cas-là je vais répondre avant. Oh. Je peux prendre des bras d'honneur et tout par des vieux routiers, non c'est dégueulasse de faire. Alors, je vais te dire une chose avant que Robertine réponde, parce qu'elle est routière justement, donc là t'es mal barré. On dit routier Gérard. Ouais d'accord, alors faudrait savoir ce que... Bon Gérard, oui. Donc alors Pousseau, je vais te dire une chose, que si les routiers te font une queue de poisson, c'est déjà pour commencer, c'est toi qui leur as fait une vacherie. Et les bras d'honneur, c'est pas vrai. Non, mais attends, me contredis pas, parce que les trois quarts du temps, c'est vous qui êtes chez les routiers, vous dites que c'est de notre faute qu'on roule comme des cons. Ah ouais, alors là un conseil que... moi, je vais te dire une chose, un conseil que je te donne, évite de trop dire des conneries sur les routiers, parce que là, t'es mal borré. Je le pousse sur une plaque de verglas et ça lui fera son coup. C'est ça. Et tout à l'heure, moi, je vais te pousser que tu allais dormir. Moi, je veux bien qu'on me pousse. Hein. Manu, ouais. Je voulais accueillir un nouvel auditeur. On accueille Eddie Mitchell. Oh, Eddie Mitchell. Bonsoir, Eddie. Salut, Eddie. Bonjour, c'est Eddie Mitchell. Bonsoir, Eddie. Ça fait plaisir. T'appelles d'où? Bonjour, c'est Eddy Mitchell. Bon, allez, hop. Non, non, mais ça, il a du mal, il est pas le plus jeune. Ouais, non, allez. Tu peux pas lui faire ça, il a les yeux couleur mentalo, vas-y. Curzob. Bonjour, c'est Eddy Mitchell. Allez, dis bonjour. C'est pas moi. Dehors. Mais c'est pas moi, attends, arrête. C'est Manu qui fait ses coups en douce, merde. Allô, alors, Manu, tu lui dis. Manu, tu lui dis au revoir, terminé. Bah, dis au revoir, Eddy Mitchell. Il a coupé, de toute façon. Tant mieux. C'est Eddy Mitchell. Il a pas coupé, il y a encore, alors vous arrêtez vos conneries. Mais Gérard, c'est une star, Eddy Mitchell. Eh, c'est pas bien, ça fait que la deuxième, j'ai dit qu'à 5, je me cassais. Ok, alors attention. Je verrais bien ta meuf au cimetière des éléphants en bleu. Curzon, et puis il t'entend mal, il est sur la route de Memphis avec un portable. Ah ouais, allez hop, terminé. Okay. Il aime pas les gens heureux. Curzon. Ouais, bah écoute, moi je pense que les routiers, c'est un peu quand même les maîtres de la route quand même. Mmh. Il faut voir que c'est un peu la route, c'est un peu comme la jungle, tu vois. C'est le plus fort qui a toujours raison. Donc voilà. Moi je dis, les routiers, c'est eux qui ont les plus gros véhicules. Ouais. Donc par définition, c'est eux les plus forts. Donc voilà, c'est tout. Si y a quelqu'un qui a la mauvaise idée de se mettre sur le chemin d'un routier, moi je pense qu'après il en subit les conséquences. Voilà. Bah disons, je pense que ce qui pose. C'est un peu les cow-boys, les shérifs de la route, quoi, tu vois. Non, quand même pas. Quand même. Non, je pense pas. Robertine, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Gérard. Parce que c'est. Ouais, voilà. Non, mais attends, on nous dit les cow-boys, je suis désolé. Les routiers font ce qu'ils veulent, font caca sur la route. Et non, là, Robertine, je te permets pas de dire ça. Hein. Ouais, excuse-moi, Gérard, mais souvent dans les stations-service et tout, moi je vois des routiers qui vont se taper des branlettes et ça, c'est exagéré. Hein. Ouais, mais attends, s'ils s'arrêtent sur les stations-service pour faire ce qu'ils ont à faire, s'ils font ça, c'est leur problème. Ça nous regarde pas, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils s'arrêtent sur une station-service pour faire ça, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Hein. Enfin, faire caca dans une station. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont tout seuls sur la route, faut les comprendre. Ouais, mais ça, de toute manière, faut se dire une chose, que c'est eux qu'on choisit ce boulot-là. Ouais. Bon, c'est vrai que pourtant, c'est un boulot qui est hyper dur pour eux, parce que pour voir les heures qu'ils font, justement, on va en parler. C'est pas drôle d'aller se branler dans les stations-service. Franchement, ils sont obligés, ils ont pas le choix. C'est non, mais attends, c'est qui dit ça, là? C'est QRZob. Moi, je dis, c'est pas facile. Faut bien se dire une chose, que les routiers, les trois quarts du temps, ils partent plus d'une semaine sur... ils partent plus d'une semaine, hein. Ouais. Manu, attends, 5 minutes, Robertine. Oui, Manu. Oui, je voulais accueillir Roger, et aussi sur Minitel, on me demandait si jamais, tu vois, le boulot de routier, il est chiant, il est dur, il est mal payé, il faut vraiment être trop con pour être routier. Mal payé, ça dépend dans quel sens, parce que faut te dire une chose... Droite-gauche. S'il est mal payé, déjà, faut bien se dire une chose, que c'est un peu de la faute des patrons, parce que c'est les patrons quand même qui insistent à ce qui passe de la route et qui respectent pas leur temps de travail. Parce que ça, je vais dire une chose, quand t'as une livraison urgente, par exemple, tu charges, admettons, à 13h, hein, à 13h30, admettons, et que ça doit être livré avant la fermeture, c'est-à-dire que les trois quarts des magasins ferment à 19h. Si t'as un complet, par exemple, tu pars, je sais pas moi, je vais dire Moulinex, comme ça, au hasard. Surtout les routiers. Moulinex. Et tu dois aller livrer de l'autre côté à 100, à 150 km, je suis désolé, tu peux pas. Bah ouais, mais bon, tu peux pas. Je suis d'accord, Gérard, mais tu peux pas. Si les routiers étaient moins feignants, ils seraient peut-être payés un peu plus cher. Non, mais attends, moins feignants, t'as déjà vu des routiers peignants, toi, connard? Gérard, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gérard, ils bossent les routiers. Toi, quand tu vas rentrer, là, que tu vas aller te coucher, eux, ils vont être sur la route, là. Là, ils sont en train de se branler, nous écouter. Non, ils vont être sur la route parce que demain matin, ils sont en train de décharger. Ils sont sur la route. Ils sont sur la route en ce moment, les routiers. Là, à l'heure actuelle, t'en as pas mal. Mais, qui c'est qui vient de dire ça? On me dit, les routiers, ils déchargent dans ton cul. Attends. Sur les buissons. Attends. Qui c'est qui vient de traiter les routiers de cons, là? Qu'est-ce qui m'empêche de revenir avec un fusil? Toi, t'arrêtes, là-bas. Tu arrêtes, toi. C'est drôle comme mec. C'est qui a dit que... Attends, c'est pas toi, tu commandes dans mes débarroutés? Non. Bon, qui c'est qui a insulté les routiers de connards entre Curzob pour nous? Qui? Bon, ça y est, là! Oh, les auditeurs, on se calme, oui. Vient de dire au revoir? J'ai envie de calage. Bon, ouais. J'ai envie de calage. Mais c'est eux, ils ont un truc. Ah, c'est chaud, non? Non, non, non. On a économisé. Bon, Gérard, pour calme. Attendez, les auditeurs. Le mieux, c'est de voler dans un sac à main. Non, mais c'est pas moi, c'est eux. Gérard, écoute-moi, j'ai une question. Il y a une question. Une question, comment ça s'appelle cette boîte ? Le Minitel, l'ancêtre de l'Internet. Merci beaucoup. Où on me demande si avant tu faisais pas la ligne Beyrouth-Grosny. Je ne répondrai pas là-dessus. Terminé. Qui c'est que, bon, moi, tu me remets les auditeurs, là. Ils ont intérêt de se calmer. On se calme. Oh, Manu, tu me les calmes, merde. Mais tu me dis pas qui, tu me dis pas qui calme, merde. Tu les calmes, on va s'écouter. Non, mais attends, j'ai rien calmé. Ils sont calmes. Je suis sûr, ils sont calmes. Vous êtes calmes. Allez, attendez, je vais monter le potard, vous êtes calme ? On est calme, ouais. Bon, okay. Alors maintenant, ça y est, c'est maintenant, qui c'est ? Oh, tu fermes ta gueule, toi, au lieu de gueuler, là ? C'est vrai, c'est chiant, les gens comme ça. Ouais, ça serait mieux de bosser sur Internet. Ouais. Avant qu'on continue, je voudrais savoir qui c'est qui a insulté les routiers de con, là, de temps. Fila, s'il te plaît, tu arrêtes. Non, mais c'est bon, il a été viré, c'est bon, on s'en occupe plus. Bon, je sais pas qui c'était, mais c'est pas grave. Alors, il nous reste Robertine, t'as répondu ? Ouais. Kurzob ? Bah oui. Aussi Pousseau ? Bah ouais. Pousseau. Et donc, on a Roger. Roger, ouais. Bonsoir, j'ai répondu aussi. T'as répondu quoi ? La question, là. Bonsoir, Roger. Bonsoir. Attends, t'as pas répondu, je t'ai pas demandé d'y répondre. Ah d'accord, c'est Manu qui m'a fait une blague. Okay. Hey Manu, qu'est-ce que t'as fabriqué avec l'auditeur qui a déjà répondu, avec Roger, qui a déjà répondu à la question, toi? Non, il a répondu hors antenne, mais c'était bien la question qu'il a fait. C'est pas mal. Hein. Alors vas-y, donc tu disais... Bah, je disais que les routiers, c'est sympa, et vive l'alcool. Bon, oui, apparemment, c'était pas sûrement ça que tu voulais le dire. Bonsoir. Gérard, je voulais te demander, là, il disait les routiers sont sympas, ça me rappelle l'émission que faisait Max Meynier. Mmh. T'écoutais Max Meynier quand t'étais sur la route Bien sûr. Mais de toute manière, l'émission, c'est dommage qu'elle ait été arrêtée, parce que c'était quand même bien fait, parce que c'était fait en direct de Paris, de chez Calberson, sur la terrasse Calberson. Ah, c'est un truc de camion, ça. Ouais, mais je fais de la pub pour eux, parce qu'il est mort. Ouais, non. Ça fait un mois là. Si, il a eu la lèpre, attends. Non. Je peux vous dire une chose que, à l'heure actuelle, Calberson, faut dire une chose que c'est. Il est mort dans le golf. Bon, ça y est, c'est fini là, de dire des conneries sur. Il est mort comme un homme. Ouais. J'y étais avec lui. Il est mort comme un homme. Bon, ça y est. Pour sa patrouille. Bon, alors, pour Roger, au revoir. Allez, hop. Merci. Ouais, on m'a dit qu'il était au volant d'une Ferrari. Allez. Bon, Manu. Il y a, ça y est, Roger, sur ERC, il y a Noix de Coco qui dit que c'est vrai que les routiers sont bien sympas. La preuve, c'est qu'ils ramassent des bulldogs sur les aires d'autoroute. Là, je vais dire une chose, cette question-là, j'y répondrai pas parce qu'on ramasse pas n'importe quoi sur les aires d'autoroute, d'accord ? Alors. Et alors, ils disent aussi sur ERC qu'ils écrasent souvent les chiens abandonnés. Et... Bon, ça suffit. Pilda. Ouais, c'est moi. Olive. Ça c'est. Olivier, ça fait deux avertissements. Le troisième, tu vas dans ton studio de. Dans ton studio de merde, les deux PD là. Bon. Attends, je vais dire une question internet. GG. Attends, on accueille un auditeur avant. Ok, on te rappelle. Hein ? Ouais, il y a un auditeur qui a coupé, faut le rappeler. Oh merde. C'est qui ? Je sais pas. C'est, je sais pas. Bah, allez, c'est le mec qui a plus de batterie là. Ah, qui fait l'internet. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui, ouais. Donc, on accueille qui ? On accueille les innocents. Bonjour Moussaillon, c'est les innocents. Bonjour. Manu à l'arrière, Pildar. Quoi ? On s'en a, Manu, viens. C'est bon, mais bon, encore 10 minutes d'antenne et j'arrête. Mais arrête, attends, des conneries. Ils sont deux, les innocents. Alors, par contre, une bonne nouvelle, c'est qu'on est 9500 sur Internet quand même. Bravo, 430 sur Minitel. Bravo. Et ça, le kit. Courrier vient, 20 mètres. Le confirmer. Alors, on s'écoute la grosse Lulu de pied du périph' avec Viens me faire la pression, mais pas où tu penses. Et on se retrouve tout de suite après en espérant que ça soit un petit peu plus calme. J'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds avec un connard comme ça. Oh, y'a un jingle, on y va là. Y'a un jingle, on y va, putain, merde. Mais viens à ta place. Vous le sentez un peu. Reviens. Et voilà, donc on revient. Il y a lui qui s'amuse à balancer des conneries. On remixe derrière, il va virer. Quel est le... vous arrêtez, s'il vous plaît. Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter la grosse Lulu du périph' avec Viens me faire la pression, mais pas où tu penses. Alors, je préviens d'une chose, que sur l'Internet, il y a eu des petits rigolos qui se sont amusés à dire des conneries sur les routiers, donc c'est plus la peine de vous amuser. Soit vous voulez répondre correctement au débat, ou sinon, vous restez chez vous, vous dépensez votre temps à dire des conneries. Moi, j'ai que des conneries sur Internet, et donc, ça, c'est pas possible. Non, mais vraiment, j'aurais me plaindre, parce que moi, je peux pas faire un débat correct, quoi. Donc, si ça se passe mal, eh ben, tu le réponds pas, et c'est tout. Voilà. Par moment, je me demande si je suis pas con. Donc, on récupère Curzob, donc d'Orléans. Toujours là, bien sûr. Robertine de Pau, je crois. Ouais. Toujours là. Ouais, Poussette. Toujours là, ouais. Poussette. Bonsoir. Poussette. T'appelles d'où? J'appelle Jean de Lyon. Jean-Vite Calap. Bah, touche-toi, ma grosse. Hein. J'ai jamais vu Sandy décoré en mist, là. Hein. Bon, ça y est, ouais, ouais. Mais je peux pas savoir qui c'est, donc... L'hétéro est de Lyon, ou alors. On enchaîne, hein, c'est pas grave. Poussette, t'appelles d'où? De Lyon. Ta gueule, salope. La fréquence de Lyon. 103.7. Et monsieur Mazur, bonsoir. Ah, bonsoir. Ah oui, bonsoir, monsieur Gérard. De Paris. Ça va, monsieur Mazur? Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Bon, ça y est! Monsieur Mazur, ça suffit! Mais tout va bien par ça, bien sûr. Monsieur Mazur, ça suffit! Écoute, monsieur Gérard, je suis présent, je vous écoute. Ça suffit, on commence pas! Vous appelez d'où déjà, Paris? Absolument, monsieur Gérard. D'accord. Roger, c'est Robertine, je suis contente que monsieur Mazur... Ouais, ben, il a intérêt de répondre correctement aux questions parce qu'il paraît qu'il a été briefé au départ. Ah, tout à fait, absolument. Alors, pourquoi les routiers utilisent la subie pour communiquer? On va demander à QRZOB. QRZOB. Oui, je suis là. Ben, écoute, je sais pas, moi, je pense que maintenant, il faut quand même savoir que le milieu des routiers... Il a été révolutionné parce que la CB prend du recul. Mmh. Je pense que t'es quand même d'accord. Tu peux avoir une pensée précise. Ouais, moi, j'ai envie de dire que le portable va supplanter la CB. Bah ça, de toute manière, ah, alors. C'est sûr, hein. À l'heure actuelle, de toute manière, j'en vois pas mal qui sont quand même avec des portables dans les camions. Et ça, normalement, c'est strictement interdit aussi. Hein. Voilà, on est quand même à l'heure du numérique. Mais avec le kit main libre, c'est possible. Hein. Ouais, d'accord, mais faut pas. Ouais, mais de toute manière, il y a quand même aussi la CB. Mais ça, c'est différent parce que c'est pour savoir où ils vont, pour trouver une rue ou je sais plus où. Mais pas mal de trucs. Par contre, on me dit un truc super, super intelligent pour une fois sur Minitel. Ah. C'est qu'avec le portable, t'as qu'une personne. Avec la CB, t'en as plein en ligne. Ouais, mais faut se dire. Et on me dit aussi, ces salauds de routiers kiffent les partous. Eh ben, le Minitel, il va se calmer parce que je ne répondrai plus aux questions Minitel. Okay, voilà. Et moi, sur Internet, pour une fois, j'ai une question qui est pas bête aussi. Enfin, on me demande plutôt un truc pour toi, Fesse de Babouin, qui me demande si t'as rentabilisé ton permis poids lourd. Lui, j'y répondrai pas parce qu'il me fait chier. Mais il est cool, Fesse de Babouin. Non, mais de toute manière, sa question, elle a rien à voir. Donc, Si, il te demande si. Parce que quand même, t'as dû t'arrêter d'être routier, il me dit. Et il me demande si t'as rentabilisé ton permis poids lourd. Est-ce que c'est pour ça que t'es avec Sandy? Non, mais ça, j'y répondrai pas. Donc voilà, comme ça va plus vite. Ça dépend, en fait, quand t'avais ton poids lourd, c'était un 2-cases ou un 9? Non, c'en est un que j'ai passé, c'était pas un 2-cases. Ça dépendait, en fait, le nombre de kilomètres qu'elle avait, quoi. N'importe quoi, toi, t'as un permis de trottinette, alors t'es... Mais en plus, le truc, c'est qu'on te... C'est pas toi, on te le prêtait. Non, je l'ai passé moi-même. Non, ça y est, ça sort. On parle pas du permis de conduire, Je te parle de ton poids lourd. Ça m'en fout. QRZOB, donc, continue. Oh bah ça y est, moi je te dis, je pense que le portable va prendre le dessus quand même. L'hégémonie du portable, c'est pour bientôt. Non, mais attends, tu crois pas que le mec, il va s'amuser le temps qu'il cherche le nom d'une rue ou un client, tu crois pas qu'il va s'amuser à téléphoner pour avoir... Il a des cartes routières pour ça. Pour chercher des rues que les trois quarts du temps, elles existent pas. C'est parce que tu sais pas lire le nom des rues sur le plan, c'est bah tout. C'est ça, bah, je crois que c'est mieux lire que toi, QRZ. Ouais, hein. Robertine. Quand je regarde un plan, je retrouve la rue, c'est tout. Ouais, bah Robertine. Ouais, déjà, t'as pas été gentil avec QRZ et c'est pas cool. Tu vois. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Robertine? Tu veux pas répondre? Si, je veux bien te répondre, ouais, mais moi j'ai vu une émission l'autre fois où ils voulaient carrément mettre, tu sais, des PC dans les cabines. Ouais. Il y avait de l'Internet. Carrément Internet, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas pour... C'est pas pour maintenant, hein. Mais si, c'est pour dans 2 ou 3 ans. Mais moi, j'aurais ça, mais toi, t'es pas un routier, Attends, Robertine, je vais te dire une chose, que d'ici 2 ou 3 ans, ça va être sur rail que ça va se terminer, les histoires de camions. Dans la drogue. Rails, ça, les routiers, routier, ce cam, hein, il s'en met plein de pif. C'est clair, hein. Ouais, c'est des spliffs, tout ça, c'est des bras, ouais. Oh, s'il vous plaît, là, on se calme. Je vais accueillir Jean-Louis Aubert. Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert. Moi aussi, je fume des spliffs. Non, non, mais ça, vous vous êtes passé le mot, alors c'est pas la peine. Non, attends, il a un téléphone super bon. Bah, on me demande s'il est vrai qu'il y a très longtemps, tu t'es fait interdire de CB. Et tu l'évites mal, hein, Rigo. De quoi? Si on me demande s'il est vrai que tu t'es fait interdire de CB il y a très longtemps. De CB? Ouais, CB, c'est marqué CB. CB, ben c'est CB, hein. Donc, non, pourquoi? Parce que non, carte pas. Bleue, peut-être, non? Non plus. Fildart, tout à l'heure, je vais t'interdire ma main dans ta gueule. Il a un franc 26 sur son compte, hein, Fildart. T'es vraiment un. Et puis toi, tu t'occupes de ton standard, tu fermes ta gueule. Mais d'accord. C'est faux, parce qu'il a plus rien. Oh, vous fermez vos gueules, là, tous les trois. D'accord? Monsieur Poussette. Ouais, bah moi je pense que d'ici là c'est clair que ce sera sur internet, même plutôt que tu ne le penses parce qu'il y a déjà des tests. Mm-hmm. Ouais mais ça c'est ouais, sur les... Ouais mais c'est sur les nouveaux camions qui sont en train de sortir. Ouais voilà ouais. Ouais mais attends, le temps que ça soit bien mis au point... Ouais mais ça va être obligatoire dans quelques années donc... Ouais mais attends, dans quelques années, d'ici là on sera crevés. Hein. Ils ont vite, hein, Gérard, on peut mais, Monsieur Mazur, pour terminer, et après oui, je répondrai... Écoutez-moi Monsieur Gérard, je dirais que la CB, n'est-ce pas, est primordiale et ce n'est pas à vous que je vais la prendre. Lorsque vous êtes sur la route, par exemple, avec tout le bruit que produit le moteur de cet énorme engin, sans CB pour communiquer avec les autres, vous n'allez pas ouvrir la vitre, vous pencher et puis hurler, n'est-ce pas? Ah ouais, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qu'il y a là, La CB, c'est un moyen de communication pour déjà communiquer, ah, ça y est. Beau, celui-là, il est beau. Pour communiquer entre eux, donc le canal des routiers, de toute manière, Robertine, peux me le répéter, s'il te plaît? 19. Voilà. Un gros canal, hein. Ouais. Donc c'est le canal qui est vraiment le plus emprunté. Le plus emprunté, si, parce que moi je vois... C'est là qu'on fait les STX, non? Non, les STX, tu le fais. Mais c'est quoi? Oui, attendez. Oui, tout le monde demande. Oh non, on s'en fout des STX, attends, Fildart, tu fermes ta gueule. On demande, c'est quoi le bordel, un STX? Ouais. Oh là là, oh, putain, vous me faites chier avec vos STX. Mais t'as pas expliqué ce que c'était qu'un STX. Mais ça y est, on l'a dit depuis le début de l'émission. Ah bah, je vais leur dire. Oh là, ils sont chiants ou quoi? Va écouter le début de l'émission. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a sur Minitel? Non, je m'en fous du Minitel. Si, c'est une bonne question. Si on me demande si ça peut servir à rencontrer des femmes. Mais il y a d'autres canaux pour rencontrer des femmes. Le canal 19, maintenant, c'est un canal qui est vraiment saturé. Moi, sur Internet, on me demande si le pont de l'Alma, ça a un rapport avec une CB qui se... Merde. Olivier, dégage dans ton studio de pro. Attends, c'est une question sur Internet, je comprends. J'en ai un faux. Pas oui, alors, monsieur Gérard. Monsieur oh là, Gérard, tu me fais chier, hein. Monsieur Gérard, c'est monsieur Mazur. Alors, justement, c'est bien que vous souleviez un peu ce problème-là de la CB, ce débat, parce que j'ai un ami, figurez-vous, qui m'a prêté un documentaire en vidéo récemment, un documentaire intitulé « Les putes de l'autoroute ». Ah ben, je ne sais pas pourquoi vous riez, c'est un documentaire très instructif sur le monde des routiers, n'est-ce pas, des rencontres, puisqu'on en parle, et j'aimerais que vous approfondissiez un peu cette histoire de canal, s'il vous plaît. Alors le canal 19, c'est fait pour communiquer entre routiers. Oui. Hein, donc c'est pour déjà pour commencer, c'est pour tout le monde écoute le canal. Donc souvent on demande des radioguidages. Donc après la personne qui demande un radioguidage donne son QRZ et donc après il change de canal. C'est vrai que souvent il y en a qui s'amusent à se faire passer pour des mecs qui s'amusent à se faire passer pour des nanas en imitant des voix. Comme Stéphanie de Monaco que j'entendais régulièrement sur la ligne Paris-Lyon à la hauteur de Beaune. Donc, je vais te dire une chose, que quand t'as ça sur le canal 19, constamment tout le long, t'arrives à la hauteur de Beaune, là tu l'as, mais alors juste pendant un bon bout de temps. Stéphanie de Monaco, elle te parlait. Non, c'était quelqu'un qui était planqué dans un coin et qui s'amusait avec sa CB à faire chier tout le monde sur le 19 avec ça. C'est passionnant ce que tu nous racontes. Ouais, moi, mais c'est pour dire que le canal 19, c'est un canal qui est réservé uniquement pour communiquer entre routiers. Voilà. Alors, c'est ce qui se passe quand on approche des villes. Ouais. L'orientation. Bon! Olivier, Filda. Oui. Filda, tu arrêtes parce que tu commences à me casser les couilles sérieusement là. C'est les auditeurs, regarde. Non, c'est pas les auditeurs, c'est toi. Non, c'est toi. Par contre, si tu peux enchaîner, parce que là, c'est vraiment très chiant ton débat. Honnêtement, moi, je me fais chier grave. Eh ben, si tu te fais chier. Passe à la question suivante. Si tu te fais chier, tu rentres chez toi et tu me casses pas les couilles non plus. Moi, je veux bien être sympa, je fais du bon boulot. Eh ben, pas enchaîne la question parce que là. Pour l'instant, c'est moi qui commande, c'est pas toi. Si ça te plaît pas, c'est le même prix. Si je veux de toute manière, c'est prévu jusqu'à 2h. Je tiendrai jusqu'à 2h. Mais tu t'écrases. C'est vrai. Comment je te dis d'accord ? Non, mais laisse, voilà, je suis d'accord, mais il y a des limites. Mais arrête, Manu, laisse Gérard un peu faire son débat. Alors, il le fait très bien. Est-ce que les routiers sont-ils obligés de faire les 35 heures ? Ben, ça, c'est une question qu'on va pas tarder de poser. Donc, c'est un sondage. C'est un sondage. Alors, 41% des gens répondent. Ça dépend de leur ancienneté. Il n'y a pas besoin d'ancienneté. Pour faire les 35 heures. Déjà, une pour commencer. 30% pensent que sur 35 heures, ils ne font rien de bien. Ah ben, ça... Filler, c'est la dernière fois que je te dis d'arrêter, parce que ça commence à bien faire, là. Ok. Hein? Pensez-vous que sur 35 heures, ils ne font rien de bien, ça, c'est faux. 25% des gens préfèrent pas répondre, car c'est... tous des homos, alors ça c'est faux. Et 11% sont sûrs que les routiers bossent au noir. Non, pas du tout. Alors, bah si, autrement il ferait 35 heures comme tout le monde. Lui, il bosse pas au noir, espèce de connard. D'accord ? Alors, suite. Comment un routier doit-il être habillé pour conduire ? On va demander à Monsieur Mazur. En cul. Enculé, toi, espèce de connard. Putain, quand il fait chaud, ils sont à poil. T'es vraiment un connard. Ils sont à poil. Mais t'es un vrai, t'es un connard, tu sais même pas. T'es déjà monté dans un camion. T'es déjà monté dans un camion. Parle devant ton micro, Gérard. T'es monté dans un camion. Ouais. Non. Bah si. Ouais, quand ? Mais c'est Jean-Cuir, là, c'est bien quand tu te sens dans un camion. Quand ? Quand quoi ? Quand tu es monté dans un camion ? Candy ? Quand ? Candy ? Quand les poulains auront des dents, tu monteras dans un Candy. Sur Minitel, on dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont montées dans ta remorque. Oh, mais ta gueule avec ton Minitel, il fonctionne pas, qu'est-ce que tu me casses les couilles là-bas. Si. C'est Gorgon. Il est débranché, de toute manière, il fonctionne pas ton Minitel. Moi, je dis rien parce qu'il y a des questions cons, donc tu m'as dit de plus les dire. Bon, là, c'est bon. Mais par contre, il y a quand même 10 500 connectés maintenant. Oh, bravo. C'est bien. Combien ? Que des homos, mais 10 500. Ouais, c'est ça. Dès qu'il y a Kudai, ça arrive. Ça échange des films de cul, mais il y a 10 500 personnes. Monsieur Mazur. Assoiffé de kiste puant, laisse tomber. Ta gueule, toi. Alors, poussette, au revoir. Hop, terminé. Tu te pousses. Tu dégages, on a besoin de la ligne. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Donc, la question, vous l'avez entendue ? Vas-y, poussette, tu fais chier. Je n'ai pas très bien entendu la question avec tout le brouhaha ambiant. Comment un routier doit-il être habillé pour conduire ? En hiver ou en été ? Que ce soit été comme hiver. En plus ? Ah oui, attendez, c'est pas la même chose. Hein, de manière, c'est pour les deux. Je voudrais savoir, parce que moi je ne suis jamais monté dans un camion, y a-t-il un bon système de chauffage ? C'est normalement dans les camions, à l'heure actuelle, Robertine peut nous le dire, le chauffage est bon dans les camions. Ouais. D'accord, alors moi vraiment, écoutez, moi la manière dont c'est d'être à l'aise avant tout, n'est-ce pas, pour pouvoir effectuer la plus complète aisance toutes les manœuvres requises pour s'arrêter sur une aire de repos afin de se taper une pute. Monsieur Mazur, on reste quand même poli. Oui, pardon, j'ai dit aire de repos. Simplement, écoutez, qu'il faut être habillé. Alors moi, je vois, vous allez peut-être me contredire, je ne sais pas, une paire de tongs, un short, et puis un petit t-shirt du style Marcel à maille, voyez-vous. Tongs, quand même pas. T-shirt, à la rigueur, oui. Tu peux pas conduire en tongs avec les pédales. J'ai bien précisé, non, en tongs. Nos tongs. Attendez, monsieur Mazur. Attendez, je suggère que vous vous taisez pour l'instant. Merci. Olivier. Ah non, rien, j'avais mal au bras. Devant ton micro, Gérard. Non, tu te fous de ma gueule ou quoi là ? Non, tu me le rallumes mon micro ? Il est allumé. Une question sérieuse par contre. Alors on me demande sur IRC, Baron Harkonnen. Voilà, c'était quoi le nom de Gérard sur la CB ? Mon tuer Z, c'était, bah, j'en avais plusieurs, donc. Vas-y, dis-les tout. T'avais la tapette, non? J'avais Tataillé, Barracuda. Barracuda. Non, mais le dernier, le dernier que j'ai eu, c'était Barracuda. C'était Mythoman, ouais. Non, non, mais le dernier, puis là maintenant c'est Tataillé à l'heure actuelle, mais pour l'instant. Et là, t'as une Simi. Non, non, pas pour l'instant. D'accord. Y'a pas de Simi à l'hôpital? Ah, Barracuda. Barracuda, bah ouais, oblige. Hein. Putain, merde, j'ai chié pour le trouver en plus. Oblige. Vas-y, continue ton débat. Donc, tu m'arrêtes ça, s'il te plaît, merci. Manu. Donc, on va accueillir deux nouveaux auditeurs. Donc, on va accueillir Didier. Didier, pour commencer, bonsoir. Bonsoir, c'est Didier, bonsoir à tous. Et on va accueillir, je sais plus qui. Bonjour. Non, non, non, non, non, non. Joe Cocker. Non, non, non, alors ça, merci. Tous les deux, vous arrêtez vos conneries. Bonjour, c'est Joe Cocker. Salut Joe. Je crois que... Quoi? Je crois que je vous ai prévenu, hein, ça commence à bien faire tous les deux là-bas. Non, mais il y a rien, il y a du... Non, mais tu t'es planté, Manu, c'est pas Joe Cocker. C'est quoi? Didier. Bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît, t'appelles d'où? 97.8. T'appelles d'où? D'Ado FM. Non, mais ça va ou quoi, là? Oh, c'est Michael, direct. Oh, Manu! J'appelle une petite, d'une petite bourgade qui s'appelle Ado FM. Ouais. C'est dans Lyon. C'est une ville dans Lyon. Dans le département 113. Ouais, dans le département 113, c'est ça. Lyon, c'est pas dans le département 113, c'est le département 89. Bravo, monsieur Gérard. On peut revoir deux coquins un coup quand même? Non! Là, monsieur Mazur, vous voulez continuer de répondre à la question vu que vous avez été coupé? Alors, c'est-à-dire, vous m'avez dit à propos des tongs que pour appuyer la pédale, ça n'allait pas. Non. Donc je suggère une énorme paire de Santiago, telle celle que Dick Rivers arbore lors de ses fameux concerts sur les aires d'autoroute. Bon, ben ça... celle de... Bonjour, c'est Eddie Mitchell. Salut. Bah, ça y est, Pildar ou quoi, là? Mais moi, je voulais Joe Cocker, moi, parce que... Non, t'auras rien du tout, attends, sinon tu dégages. Bonjour, c'est Joe Cocker. C'est qui? C'est qui veut Joe Cocker? C'est Zob, là, c'est Zob. Bah non, vas-y, dénonce-toi, là, c'est qui? Bon, c'est qui? Bonjour, c'est Joe Cocker. C'est qui voulait ça? Est-ce que vous auriez... Ouais, hop, je suis à Zob, au revoir. Non, Bispo, Tami, Aubert, Dao. Ça y est. Dao. Non, Robertine. Oh, tu grilles toute la marche. Robertine, fais gaffe parce que tu risques d'être grillé comme les autres aussi, toi. Excusez-moi. Vas-y. Non, franchement, faut comment, qu'est-ce que tu viens de dire, Robertine? Ah, c'est pas moi. Gérard, écoute-moi, il est une heure pétante. Il reste encore 10 questions. Donc, on va se calmer, on va reprendre dans le calme. Et on va accueillir à la place de QRZob, on va accueillir Postiché. En espérant que tu les as pas pris sans jeu. Non, juré, je disais. C'est Postiché. Salut. Bonjour Moussaillon, c'est des innocents. T'appelles d'où? Vitry. Ça va prendre un peu. Didier. Bonjour Moussaillon, c'est des innocents. Oh, il y a un pilard là. Eh, ça commence à bien faire là maintenant. C'est pas moi. C'est moi. Bon, à 1h15, j'arrête. J'ai remarqué que t'as changé. 1h15, j'arrête. 1h15, j'arrête. 1h15, j'arrête. Vas-y, le marin. 1h15, j'arrête, il arrête pas. C'est parce que tu sens le hareng. 1h15. Tu fais ça. 1h15, j'arrête. Tu sens la crevette du slip. Ta gueule, toi. D'accord. 1h15 à cause des deux cons. Ça sent la rate, c'est tout. Vous avez pas compris ce qu'on a dit. Mais j'ai fait du bon boulot. Non. On est combien là? Combien? On est combien? On est 11 500. C'est la classe ce soir. Voilà, il y a une question, on me demande avec la législation autoroutière, les routiers n'ont pas le droit de dépasser un certain poids de chargement à bord. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, c'est pas à bord, c'est poids à vide, la remorque. C'est poids à vide. D'accord, alors, c'est ta connerie. C'est Jean-Louis 2000 qui me demande ça, il me demande comment vous faites avec Sandy. Parce que vous voyagez un par un ou... Ça, je lui répondrai pas, mais on me dit que de toute façon, Sandy, elle est toujours pleine. On s'en fout, Dominique, il y a une marche pas, connard. Ok, d'accord. Est-ce que je voulais dire, est-ce que t'es obligé de prendre deux remorques, une pour la marchandise et une pour Sandy ou... Et toi, est-ce qu'on a besoin de prendre deux remorques pour transporter ta mère? Bonjour Moussaillon, c'est des innocents. Là, t'es tranquille maintenant. Là, tu t'es enculé dans le beauté. C'est clair qu'on peut pas faire autant avec toi. Alors, Didier. Bravo, Gérard. Bravo. Didier. Je suis un peu perdu, là. Alors, comment un routier doit-il être habillé pour conduire? Bah, ça dépend. S'il veut être à l'aise, il se met en jean et en t-shirt. Ouais. S'il veut être moins à l'aise, il met un pull. Ben ça c'est vrai, donc... En code de maille. Pildar, tu fermes ta gueule maintenant. On t'a assez entendu. Le mec. On t'a assez entendu et t'arrêtes de bouffer des bonbons quand je parle. Salut Moussaillon. Donc Robertine. Bonjour Moussaillon, c'est des innocents. Je suis poussiché, j'ai la belle gueule de Gérard. Alors Postiché, au revoir. Un gros verte. Hein. Mais oh, attends, c'est pas moi, oh. Qu'est-ce que tu fais? Oh, reste tranquille, oh. Fais gaffe. Ça y est, il est parti. Il est parti. Tiens, au revoir. Quoi, tu fais gaffe, c'est le dernier avertissement. Bah, regarde, regarde, postiché ce que je lui fais. Regarde, il est là, hein. Hop, là, hop, il est plus là. Et pareil, ah, tu mets de la pute sur la 15. Oh, chaud. Robertine. Oui, Gérard. Donc, pour toi? Bah, en fait, soit tu mets un uniforme, tu sais, le bas et le haut, soit tu mets une combinaison, une cote, quoi. Ouais, mais en principe, pour conduire, une cote, c'est pas évident, hein. Bah, si, une cote, c'est pratique. Mais, tu sais, moi, j'ai un pote, il kiffe les gros routiers en cuir avec des grosses barbes. D'accord, eh ben, c'est bien. Donc, comment un routier peut-être habiller, comment un routier doit-il être, être habillé pour conduire? Donc les plus le plus souvent quand il fait froid, donc c'est bien sûr avec un petit gilet à manches courtes et en pantalon. En été, quand il fait bien chaud, donc torse nu, ça c'est strictement interdit. Pourquoi? C'est interdit de toute manière, parce que si tu te fais prendre en train de conduire torse nu un camion, tu te chopes une amende, déjà c'est interdit. En plus ils ont beaucoup de poils sur le torse, ils peuvent s'étouffer. Ouais, mais même c'est interdit de conduire torse nu, que ce soit en camion ou en voiture, c'est strictement interdit. Ouais, donc presque pour des problèmes de transpiration, effectivement. Et sinon, la meilleure façon pour conduire en été, c'est en t-shirt. C'est autorisé, donc je pense que c'est bon, mais tong, non, ça c'est strictement interdit, parce que pour changer de vitesse ou pour freiner, c'est pas évident. Donc les tongs. Sandales, monsieur Gérard. Sandales, oui, à l'arrière, oui, c'est. Mais faut que t'aies les chevilles attachées avec des petites lanières. Non, mais faut pas que ta semelle se dérobe. Ouais, mais ça romain, en fait. Ouais, mais ce que tu veux dire, donc faut pas que ça soit comme les tongs, c'est ça? Ah oui, voilà, faut que ça soit. Non, mais les tongs, on a dit que c'était non. Oui, Manu. À la place de Postiché, on accueille Jack Pousse 2000. C'est au bispo, quoi. Allô? Il arrive, il est occupé, il fait caca. Allô? Jack Pousse 2000. Oui. Jack Pousse. T'appelles d'où? De Vitry aussi. Putain. Non, c'est pas le même, juré. Il y a un lit ou quoi? Juré, c'est donc, pour toi, alors. Juré sur ta tête. Olivier, Jack Pousse, alors. Jack Pousse 2000. Question. Il y a les mini pousses après. Comment un routier doit-il être habillé pour conduire? En costard. D'accord, en costard, t'as déjà un. Pour costard, reste tranquille un peu. Oh non, non, tu calmes ta joie, toi, ou tu vires? Tu as calmé ta joie, là, maintenant? C'est bon, je reste calme. Ouais, bah, tu calmes ta joie, moi, c'est moi qui te dis. Alors, tu vas le pépère. Ça, sinon, tu as gerbé vite fait, toi, hein. Bien, ouais. Bon, question. Ouais, j'ai une question IRC, donc c'est Starsky à Saint-Trospet, voilà, on me demande... Saint-Tropez? Bah écoute, c'est marqué Trospet. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu déchargeais à la main quand c'était possible? Non mais attends, putain mais le mec, non mais la question elle est con, toi. Est-ce que GG déchargeait à la main quand il était routier? Tu mettais un gant. Non mais attends, le mec il demande comment qu'on décharge à un camion. Quoi, y a rien. Oh vas-y putain, on peut pas jouer. Alors donc voilà. Attends, déjà le mec, sa question elle est un peu con, comment qu'un routier décharge? Déjà sur les 40 tonnes, ça Robertine, tu pourras pas me contredire, normalement c'est pas vous qui déchargez les camions, c'est... Non mais moi je me fais souvent décharger dedans, ouais. Ouais bah ça de toute manière c'est obligé, parce que vous pouvez pas conduire et faire un déchargement... Ouais non mais toi c'est ce que tu veux me dire par là, donc tu déchargeais sur les quais ou pas toi? Non parce que... quand c'était incomplet, moi je faisais une chose. Il déchargeait en campagne. Non, moi je laissais. Je laissais, puis les mecs ils déchargeaient eux-mêmes le camion, puis dès que c'était vide, j'attendais. Ils me rechargeaient, puis ils se repartaient. Donc il y avait des mecs, ouais. Pour ça, quoi. Ah ouais, il y a des mecs qui étaient à décharger quand même. Non. tu préférais décharger ou te faire recharger? Oh ta gueule, toi. Je répondrai pas à tes questions. Non, donc il y avait toute une équipe. Bon, Olivier, tu arrêtes ou tu vas dans ton studio? Une équipe de bons compagnons. Bon, allez. Non mais c'est important, ce soir on a appris qu'il y avait toute une équipe de mecs pour décharger GG. Bon, Il voudrait bien avoir ça, Olivier. Ouais, il voudrait bien te parler aussi. Moi, je voudrais bien un petit sondage. Alors, quand la Sibie est-elle née? C'est qui m'a sorti ça? Parce que là, pour savoir quand est-ce qu'elle a été née, faut que je sache peut-être en savoir plus. De toute manière, je sais même pas en quelle année qu'elle existe. Mais dis le sondage, putain, c'est pas... Non, c'est pas la peine. Mais bah attends, il y en a qui se cassent le cul à bosser pour rien et toi tu prends le rien. Bah attends, je prends le rien, qu'est-ce que tu me sors quand la CB est née? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, on sait même pas. Mais c'est un peu... Justement, c'est intéressant. Alors Robertine, pour toi, quand est-ce qu'elle est née, la CB? 1954. Ouais, bah ça m'étonnerait. Bah, lis le sondage, bordel. Attends, je vais dire une chose. 52% des gens répondent que... 52% des gens répondent lors d'un... Du grand déluge. Mais c'est bien. Le grand déluge, c'est 1954. 29% estiment qu'ils n'ont pas à répondre à un chômeur. Alors, ça, c'est complètement con. 27% répondent avant l'électricité, alors que c'est faux. Et ben, 19% ne pensent pas que ça existe en France. Alors, si ça n'existe pas en France, ça existe où? Ben, je sais pas, justement. Hein? Fuller, ça commence à bien faire. C'est bon. Il reste bon, encore 10 minutes. Après 10 minutes, Fuller, tu vas aller faire un stage jusqu'à la fin de l'émission standard. Ok. La bonne. Oui, non. Donc, sixième question. Un routier a-t-il le droit de s'arrêter lors d'un accident? On va demander à Jacques Pousse 2000. Ouais, gros. Alors, Jacques Pousse 2000, Jean Pousse 2000, bonne nuit. On fait là, c'était pas assez fort. Bon, c'est pas grave. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit à toi, Masque Mazur. Oui, bon, écoutez, bien sûr. Non, mais précisez, parce que là... Attendez, un routier est soumis à la loi. Hein. Vous parliez de tout à l'heure de décharger, de recharger. J'ai pas très bien compris. Enfin bon, personne n'échappe à la loi. Mmh. Donc, vous voyez, par exemple, un accident, une personne blessée sur la voie express ou je ne sais où, votre devoir est bien entendu de vous arrêter, de descendre et de l'aider à décharger. Oui, mais ça, je suis d'accord avec vous, mais je pense que on a oublié de dire aussi que le canal d'urgence sur la Sibie, c'était le canal numéro 9. Le canal 9, justement, pour prévenir en cas d'accident. C'est quoi? Je me trompe, Robertine? Alors. Attendez, monsieur. Je suis Carole, je suis avec Sandy, on est chez Henri dans le 15e, on est en train de se faire mettre des pouces, c'est trop génial! C'est de la bombe! Tu cartonnes! Alors ça! C'est qui que je viens? Ah, ça, c'est Fielder, tu vas prendre ma main dans ta gueule à la prochaine pause! C'est toi qui t'amuses à faire des conneries comme ça? Ouais, ça commence à bien faire! Les auditeurs. Non, c'est au standard GG là, est-ce que tu viens? Non, je l'ai vu, je viens qui? Pour l'instant, je sais pas qui c'est qui s'amuse à faire ça, mais. Je vais m'amuser à faire une meuf sur les RC. Bonjour, c'est Zazie. Sur RC, moi j'ai Yankee qui me dit qu'on venait voir, c'était connu pour ça, on venait voir ton petit canal. Je vois pas du tout. Le 19. Ouais, bah, je sais pas ce qu'il voulait dire, c'est même pas la peine de balancer des trucs comme ça. Robertine, donc, pour répondre à... Canal du Prépuce, peut-être. Monsieur Mazur, donc, ce que je disais pour Monsieur Mazur. C'était bien rempli. Oui, Monsieur Gérard, excusez-moi de vous couper la parole. Non, attendez, Monsieur Mazur, donc, oui. Robertine. Je comprends pas bien quelque chose. Robertine, le canal numéro 9, c'est bien le canal d'urgence. Tout à fait. Je voulais savoir ce que voulait dire Monsieur Mazur. Ouais, pardonnez-moi, parce que je suis assez ignare hein, en ce qui concerne les routiers. Je comprends pas ces histoires de d'ilsons. Ils sont 19 à décharger dans un canal. Qu'est-ce que... Mais non, le canal 19, ça sert pour communiquer entre routiers. C'est un gros canal. Hein. Mais vous déchargez dans un canal, et vous êtes 19. Oui, c'est un gros canal. Oh là là là là là là. Branleurs. Ah, pardonnez-moi, je ne comprends pas bien. Oh là là, mais monsieur Mazur, ça commence à me gonfler là. Écoutez, monsieur Gérard. Non, mais vous répondez correctement aux questions, écoutez, sinon je vous vire. Je n'ai pas poussé autant dans les études que tous les routiers de France, hein, je suis. Non, mais moi je vous demande, soit que vous répondez correctement à la question, soit que vous virez. Ça va aller vite là. On va pas s'éterniser sur des questions que vous savez. Si vous avez pas envie de participer à un débat, j'ai tout à fait envie. Simplement, j'ai déjà répondu à votre question et maintenant je vous en pose une autre et vous êtes d'accord. Non, mais pour l'instant, Gérard, excuse-moi, mais bon, quand tu cries, tu transpires et quand tu transpires, ça pue. Donc du calme. Alors toi, tu fermes ta gueule pour l'instant et c'est tout. Ouais, mais bon, franchement, moi, je te dis, tu fermes ta gueule. J'ai arrêté de fumer. Maintenant, les odeurs et c'est vrai que tu fermes ta gueule. Tu sens de l'aisselle, Gérard. Merde. C'est vrai. Tu fermes ta gueule. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça change beaucoup quand t'arrêtes de fumer. Grave. Au niveau des odeurs. Ouais. Ouais, bah, putain, ça commence à bien perdre, Pildar! C'est pas moi, attends, il dit des conneries. C'est toi depuis tout à l'heure, il dit des conneries sur toi, c'est moi qui prends. Putain, je suis dégoûté. Didier, je bossais avec lui. Didier, donc moi j'ai vu souvent des routiers, il faut mettre ça à leur crédit, s'arrêter au bord de la route pour sauver des gens. Je sais pas si tu te souviens de l'émission Les Marches de la Gloire. Si il me semble. Avec Cabrol, oui. Ouais, avec Cabrel. Ouais, Cabrol. Cabrol, pardon. Et tous les héros, c'était des routiers qui faisaient le poids de pression, qui attachaient des attelles, des trucs avec des courroies de distribution. C'était des trucs de ouf. Là, je crois que je vais dire une chose, que là, tu divagues un petit peu sur la question. C'est possible, c'est possible. Ouais. Par contre, jamais ils s'arrêtent pour des animaux. Bon, alors, un pas, on va. Robertine, elle est là, mais j'ai deux autres personnes. Tu l'as dégagé, Robertine, non? Ouais, elle est là. Mais non, je suis là, c'était quoi ta question? Non, mais attends, un routier a-t-il le droit de s'arrêter lors d'un accident? Non, il n'a pas le droit, mais il a le droit de prévenir les pompiers. Ah bah ça, de toute manière, la première bande d'arrêt d'urgence, la première bande qui voit, il s'arrête et il prévient les secours par la bande sur les aires de repos qu'ils ont. Sur les autoroutes. Sur le Minitel, les pompiers, pas, tu me casses pas les couilles. Non, on me dit, il s'arrête pas à la première bande, mais à la première pute. Et toi, tu t'arrêtes au premier connard. Ah, c'est vrai. Et toi, t'arrêtes de me couper mon micro. Ça va vite, hein. D'accord, les deux gros cons. La bande FM. D'accord. Personne. Donc, on est 15 000, sur Internet. Oh, ça monte. Alors, on a Robertine. Oui. On a Monsieur Mazur. On a donc... Moussaillon, c'est des innocents. Voilà, tu l'as entendu, toi-même. Je peux pas me concentrer, je suis désolé. Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert. Putain. On a Doc Géronto et on a Poustaflex. Poustaflex. À fond dedans, les mecs. C'est quoi son nom à lui? Poustaflex, je te l'épelle. Je te fous des pouces au plan. Alors, Poustaflex, t'as un. Non, mais attends, Gérard. Non, franchement, il est bien. C'est un routier. Je dis, c'est l'équipe off contre-routier. On peut partir de la même maison. Il a de l'humour. Putain, moi, je peux pas faire mon job, Gérard. J'en ai ras le cul, là, ce soir. Wesh. Moi, j'essaye de. Tu me dis. Voilà, ça commence à bien faire, là. Non, coupe les auditeurs, faut qu'on parle. Je sais ce que. Ouais. Non, Gérard. Poustaflex. Non, attends, tu fais des réunions, tu fais des trucs. Non, mais le problème, c'est moi, je fais un truc, c'est bien ce soir, je te reprends pas les mêmes, je les tais, machin. Moi, j'ai des questions sur internet, c'est n'importe quoi. Tu vas me demander si petit Grégory, c'est un canal et tout. Bon, ça suffit là, ça commence à bien faire. C'est pareil, moi, on parle du Kosovo, des gens qui sont sur Minitel. Bon, allez. Je peux rien dire. Non, mais par contre, il faut éviter d'aborder le sujet. Tu te rends compte qu'on me demande si t'étais un accident sur l'antenne. Olivier, par contre, tu fais attention qu'il parle pas des routiers de l'IVG. Est-ce qu'il y a de l'IVG chez les routiers? Attends, on parle que. Mais ta gueule, toi, tu sais pas ce que tu dis! On me dit même que Gérard serait un accident d'IVG, alors tu vois. N'importe quoi! Bon! Robertine! Pousseline! Si c'est des routiers, elle. Ah, ça va être déchiré comme nom! Roselyne! Comment ça s'appelle l'auditrice? Robertine, voilà. C'est ça que je suis. Bon, on revient dans le débat là. Je sens qu'on va faire conclusion parce qu'il y a un gros con là-bas qui se marre. Oh, c'est bon? Alors, toi, j'ai dit Robertine, alors tu ferais mieux de fermer ta gueule, toi, gros porc là-bas. Mais j'ai rien dit, moi. D'accord. Vas-y, alors, Robertine. Oui, j'ai. Ouh là là. Je t'ai répondu déjà. Donc, Doc Géronto. Ouais, Doc Géronto, bonsoir, Gérard. Bonsoir. Wesh, je kiffe les vieilles. Tu peux me rappeler la question? Un routier a-t-il le droit de s'arrêter lors d'un accident? Non, moi je pense qu'il y a déjà suffisamment d'horreur, donc à mon avis, il vaut mieux que le routier continue sa route, parce que, ouais, non, c'est déjà assez dégueulasse. Et qu'est-ce qu'il peut faire, Gérard, pour l'accident? Robertine. Robertine, au revoir, ce coup-là. Allez, hop, au revoir. Allez, hop, Ça y est, elle est directe. Coup-là, Alors, qui c'est qui nous reste? Pousse ta flex. Ouais, Gérard, j'ai pas entendu ta question. Non, tu l'as ici là. Non, je le prenais au standard, je lui disais de se calmer, bien répondre. C'est con, moi j'aimais bien Robertine. Un routier a-t-il le droit de s'arrêter lors d'un accident? Et attention, parce qu'il y a toujours Monsieur Mazur. Hein. Ouais, c'est bon. Bah, on me dit sur Internet que non, il ne ferait qu'aggraver les choses. Pour l'instant, sur l'Internet, il commence à me les gonfler sérieusement. C'est Snoop sur Internet qui me sort ça. Ouais, mais sur l'Internet, il commence à me les gonfler. Le mec dont je te parle, la Snoo, ça fait depuis tout à l'heure, il sort des trucs sur Sandy, la grosse et tout ça. Quoi. T'as deux secondes, Boostaflex. Mais Gérard, si un accident se procure. Se déroule sur l'autoroute, par exemple. Tu vois? Et que... Pour l'instant, je ne répondrai pas à ta question. Tu me laisses répondre l'auditeur, s'il te plaît, merci. Alors, Boostaflex. Donc, et si donc en fait, le poids lourd s'arrête, en fait, en plein milieu aussi de la route, comment ils font pour la circulation après? Merde! Bah, je te pose une question. Je te dis, tu me laisses les auditeurs, c'est pas toi qui commandes! Ils sont là! Tu me fais chier! Ils sont là, les auditeurs! Tu me fais chier! Fildar, c'est GG qui commande son débat, Fildar. D'accord, mais attends, tu fermes ta gueule! À chaque fois, tu fais la même chose, Fildar. Moi, j'écoutais avant. Bon, attends, tu la fermes, tu me laisses répondre l'auditeur! Je t'ai dit quand il crie, il pue, alors. Mais toi, tu fermes ta gueule, gros porc! D'accord. Arrêtez, vous insultez pas. Gérard, continue à gérer ton débat, te laisse pas impressionner par ces mecs. Pousse ta pec. J'ai envie de câlin. Fidèle, ça suffit. Mais c'est pas moi. Mais du sport. Ouais, je fais des choses dans les transports. Bon, alors, terminé. Il y a Pousse ta flex qui attend là, il attend. Gérard, alors, tu fermes ta gueule et c'est tout. J'attends, Gérard. J'ai jamais vu Sandy décorer en Miss là. Hein. Ouais, moi non plus. Gérard, en fait, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'espère que les routiers s'arrêtent quand il y a un accident, parce que sinon, c'est grave, quoi. Bah non, pour te répondre, je vais te dire que oui, ça existe. Et ils s'arrêtent, déjà, ils voient comment que ça se passe. Et après, si la borne téléphonique est juste à côté, donc ils s'arrêtent et ils préviennent tout de suite les secours. Ouais, j'espère bien parce que c'est bon. De toute manière, même si c'est eux qui sont témoins d'un accident, bon, ils essayent de voir, ils attendent, s'ils peuvent, ils attendent les secours si c'est pas trop important. Ils tracent leur route, ils préviennent quand même, mais ils donnent leur nom et tout ça. Ils situent à peu près où se situe l'accident. Pour que les secours arrivent sur les lieux très rapidement. Si c'est plus grave, qu'il y a blessé et tout, donc le routier essaye d'attendre les secours pour dire voilà comment que ça s'est produit et tout. Mais en général, ils s'arrêtent et dès qu'ils peuvent, ils vont à une première borne qui se trouve sur les autoroutes. Donc elle se situe presque tous les 50 ou 100 mètres à peu près. Moi. Je pense que c'est tous les 50 ou 100 mètres. C'est tous les 29 kilomètres. 29 kilomètres. Combien, qui c'est qui disait ? 12,75 mètres. D'accord, et pourquoi pas 13 mètres aussi ? Ah non. Et donc, ils appellent, et de toute manière, les bornes qui sont là, comme je précise, donc sont reliées directement avec le PC de gendarmerie, eux font le nécessaire pour envoyer des secours. Et souvent, tu as déjà aussi les services des autoroutes qui arrivent, et qui, eux, préviennent aussi par leur moyen de communication. Qu'ils ont dans leur camion. Oui, Olivier. Alors déjà, en parlant de la sécurité routière et tout ça, t'as explosé, on est à 30 000. Ah, j'y crois pas. Bah si, on est à 30 000, on est dans le statut. J'y crois pas. Bah si, parce que t'as eu toutes les associations de la sécurité routière, et il y a un mec qui s'appelle Idéfix qui te demande est-ce que c'est comme ça par un accident que t'aurais rencontré un bulldog il y a peu de temps. Bah j'y répondrai pas, tu vois, parce que si on est à 30 000 et que le mec il s'amuse à me dire des conneries comme ça, si t'insultes, vous allez redescendre. Oui. Oh là, non, c'est 18 000, pardon. 18 000, on dit, ouais, 18 000, non, pardon, excuse-moi. C'est 30 000, ça m'aurait étonné. Donc alors maintenant tu voulais attends avant que je réponde à ta question là-bas. Pourquoi? Ouais, donc tu m'as Fildar, vas-y. Non, tu me donnes l'auditeur parce que les auditeurs passent avant ce que Fildar a à dire. Ah non, oh, bah non, attends, depuis attends. Non, vas-y Manu, je te laisse la main. Attendez. Mais attends, mais pour l'instant tu cries pas, tu pues. Eh, moi je te dis, tu fermes ta gueule, t'es un gros con. Mais oui, mais alors tu fermes ta gueule. Attends, moi je suis à côté de lui, tu pas, il sent rien. Tu fermes ta gueule, tu me donnes l'auditeur et tu fermes ta gueule après. Attends, tu sens pas en plus, Gérard, franchement. Tu fermes ta gueule et tu me donnes l'auditeur, hop. Ouais, mais si je ferme ma gueule, je peux pas te dire. Tu me donnes l'auditeur et après tu t'écrases. Ah, d'accord. Donc on accueille d'abord Richard. Bonsoir. Richard. Et Étienne Dao. Salut, c'est Étienne Dao. Ouais, ça, tu vas faire ça à quelqu'un d'autre. Ah, Étienne. Bonsoir. Richard. Salut, c'est Étienne Dao. Fildar, ça suffit. Bah, je sais pas moi. Donc, Richard, t'appelles d'où? J'appelle de Montauban. Fréquence, s'il te plaît, de Montauban. 107.2. 107.2. Pousse-ta-pec. Mais il est là, pousse-ta-pec. Pousse-ta-pec. Ta fréquence. Ouais. Ta fréquence. Ouais, tranquille. Ferme ta gueule un peu. Alors tu dégages. Il a pété les plombs, lui. Je disais, Gérard, pendant qu'on vire pousse-ta-flex, est-ce que pour les accidents là, il n'y a pas que les routiers qui ont le droit de sauver des gens quand même? Bah, bien sûr que non. Attends, attends. Bien sûr que non, Fildar. Tout le monde a le droit de sauver des gens. On peut s'arrêter, même à vélo. Merci, Olivier. Donc on est d'accord, il n'y a pas que les routiers qui ont le droit de s'arrêter pour appeler la borne. Non mais c'est vrai parce que, de manière comme j'ai dit, donc il y a les routiers bien sûr, mais il y a d'autres personnes qui sont arrivées avant les routiers, ça c'est sûr. Mais de manière les routiers... que les routiers n'arrivent jamais à l'heure parce que c'est tellement des feignasses qui sont même pas là quand il y a des accidents. Ouais. C'est ça, t'as raison. Attends, c'est pour ça que quand il y a un accident, ils sont quand même les premiers à avertir en mettant les warlings. Or là, les warlings. Non. Parce que c'est eux qui causent les accidents. Donc pas tout le temps. Alors là, attends, c'est qui? Explique-moi. C'est Doc Géronto. Je suis pas d'accord. Est-ce que tu crois que c'est le routier, c'est lui qui cause l'accident, est-ce que lui, il appelle les secours? Attends, si le gars, il est déjà tombé dans le coma, est-ce que tu crois qu'il va appeler les secours? Non, mais attends, si ça, les trois quarts du temps, tu dis que c'est les routiers qui commettent des accidents, moi, je peux te dire que non. Non, mais attends, attendez, monsieur Mazur. Comment il peut appeler les secours s'il a la tête dans le pare-brise? Tu m'expliques? Non mais attends, déjà pour commencer, si c'est lui qui provoque l'accident, ouais. Il peut pas prévenir les secours, déjà, c'est sûr. Étonnant. C'est pas étonnant. Monsieur Gérard, écoutez, oui. Doc Géronto. Attends, c'est un minimum. Attends, mais qu'est-ce qui se passe avec les micros là? Bah rien. Monsieur Gérard. Oui, Doc Mazur. C'est Monsieur Mazur. Doc Mazur. J'ai juste sous les yeux donc un sondage tout à fait édifiant à propos de ce dont on parle, qui dit que 97% des routiers pratiqueraient le tête à queue. Voilà. Ah ouais, mais alors attention. Vous déjà pratiqué la tête à queue? Non. Alors là, je précise. Combien de pourcents que vous m'avez annoncé? 97, beaucoup. Monsieur Gérard. C'est énorme. 97% oui. qui font le tête à queue. Voilà. Mais ça peut se dire une chose. Je termine avec le sondage, je vous laisse tout de suite parler par la suite, et 100% déclarent que il recommencera avec plaisir. Réponse, c'est dégueulasse. Alors déjà une chose, faut bien dire une chose, que si devant les routiers... Devant ton micro, une chose. Déjà pour commencer, si les routiers font des accidents, faut bien se dire dans sa tête que c'est pas de leur faute, c'est de la faute des patrons. Non, c'est pas de la faute de l'alcool, c'est par plaisir. Non. Parce que faut dire une chose, que les patrons, n'empêche, c'est vraiment des employés vis-à-vis des routiers. Ça fait 20 ans que t'as pas vu un patron, je trouve que t'es mal placé pour parler. Ouais, mais attends, moi je sais comment qu'il fallait que je fasse, hein. Fais-moi confiance, quand je faisais Paris-Lyon, j'avais presque pas dormi, il fallait que je rechargeais à Nancy. Je faisais Nancy-Lyon, il fallait que je décharge une palette. Ça n'arrête pas. Il fallait que je décharge une palette à 19h. Alors, désolé. Alors, moi, je peux vous dire une chose, que les trois quarts du temps, c'est de la faute des patrons. Parce que s'il y a des accidents vis-à-vis des routiers, c'est un peu de la faute des patrons. Parce que les patrons leur en demandent de trop. Ils leur demandent de carburer. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et eux, les patrons, ils ne peuvent pas décharger en plus. Non, mais c'est un problème. Ouais, mais de toute manière, un patron, tu demandes à un patron qui tient une entreprise de décharger camion, autant, tu vois. Envoie-le sur la route. Regarde l'histoire qu'il y a eu. Dans le tunnel de. Non. Du Mont Blanc. L'autre là, celui qui a dévalé la côte là avec. Irvène. Non. J'ai envie de câlin. Bon, ça y est, Pildar, ça commence à me plaire là, ça. Vous commencez à me les casser les couilles, hein. Tous les deux. Gérard. Je peux accueillir un auditeur. Gérard. Oh. Les patrons, c'est aussi des routiers. Putain, mais ça suit bien avec ça, Pildar, merde! J'ai coupé, c'est un auditeur, je n'y peux rien. On accueille. Donc, on accueille Poupous du Bled. Ouais. Mais c'était quoi l'affaire que tu disais, Gérard, alors? Poupous du Bled. Bonsoir. Poupous du Bled. Oh là là. Eh, à qui tu parles, là? C'est pas moi, hein. Ouais, alors. T'appelles d'où? J'appelle de Saint-Denis. 101.9. Voilà, ouais, tranquille. Eh, tu peux pas essayer d'avoir des gens de province uniquement sur Paris, toujours? Tous les autres, ils sont monsieur le seul? Ouais. Non, il y en a deux, il y a monsieur Mazur aussi de Paris. Ah bon? Absolument. Ah oui, c'est vrai. Donc, Géronto, j'ai une question intéressante, il y a des fixes qui me demandent, c'est quoi un ECTX? Oh, ça c'est terminé, je n'y répondrai plus. Donc, du camion qui a déballé la pente, mais je me souviens plus d'où que c'était. C'est dans James Bond, ça? Non, putain, mais arrête tes conneries, tu sais même pas, toi. Mais toi, tout à l'heure, tu vas faire James Bond dans le lit de ta mère. Oh la vanne! Parce que là, tu commences à me gonfler. Avec ton petit gadget. Là, je suis obligé. Tu cartonnes. Bon, pousse. Tu cartonnes, ouais. Donc, pousse, je sais plus quoi là. Pousse du bled. Pousse du bled, tu veux répondre à la question avant qu'on. Il faudra bien que, tu vois, qu'on me la dise, la question. Alors, un routier a-t-il le droit de s'arrêter lors d'un accident? Oh non, c'est bon celle-là. Ça fait une plante qu'on est dessus. Tu la casses celle-là. C'est bon, allez, dégage. Vas-y, enchaîne. Bon, d'accord, tu veux pas répondre. Mais non, mais c'est bon, de toute façon, si le routier est pas con, il s'arrête, c'est un accident. Ouais, mais moi, je peux te dire une chose, que dans Je sais qu'il y a des enculés, je sais. Il y a des enculés dans les routiers. Bon, il y a des cons aussi. Il y a que ça, même. Bon, ça y est, là, vous éteignez. Manu, t'éteins ton micro. D'accord. Ça t'a rien à dire, donc t'éteins ton micro, parce que le Minitel, il fonctionne pas, ça ne sert à rien. On est 535. J'en ai rien à foutre, il fonctionne pas. Par contre, on reçoit du courrier, hein, toute la. On continue. Direct live. Il y a des questions, non? Olivier. C'est une émission énorme. Non, pas de questions. Non, alors, septième. Les routiers ont une. On va mettre en vue jusqu'à ce que j'ai pissé, moi. Qu'est-ce que tu fais, Bibi? La question numéro 7, c'est le routier, on fait le droit. Alors maintenant, tu me le demandes, tu vois, j'ai une question. Non, Jean-Louis. Hop. Pour l'instant, t'attends que je pose la question et on verra. Et comme on fait une pause, tu lui dis qu'il la repose après la pause. Hop, terminé. Les routiers ont-ils le droit alors, de faire alors, il me demande de te dire qui tu fais après la pause. Oh, Olivier, merde, t'es chiant. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est un carré ou pas? Les routiers ont-ils le droit de faire les 35 heures? Donc, pour Monsieur Mazur, Doc Gironto, Richard et Pousse-Pousse, je sais pas. Du bled, vous réfléchissez, on va s'écouter Bibi la grosse remorque du... Ouais. De quoi? Je vais te dire une chose que si... C'est un titre comme un autre. Ouais, mais ça, faudrait peut-être que ça soit les bons titres, parce que les trois quarts du temps, c'est des faux titres que vous m'annoncez. Non. Alors c'est Bibi la grosse remorque du 15e avec « Viens sous mes aisselles, il y a du bon jus ». Et je te préviens que c'est intérêt d'être le bon disque. Ah bah ça, c'est et un dur disque. Et on se retrouve tout de suite après. Pur tube. Si je suis prêt, si je serais pas intelligent, je serais pas des débats, hein, Brouty. Les débats de Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter Bibi, la grosse remorque du 15e avec Viens sous mes aisselles, il y a du bon jus. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler. Il y a du bon jus sous mes aisselles. Il reste encore une petite demi-heure. Tu fermes ta gueule, Fildar, s'il te plaît. Bon, Fildar, c'est la dernière fois que je te le dis, où tu fous le camp au standard. Non, tu choisis. Moi, je suis bien au standard ce soir, Gégé. Alors donc, vous pouvez encore nous appeler, il reste une petite demi-heure encore à tenir, au 0803 08 5000. Donc, si vous avez des questions intéressantes, je dis bien intéressantes, Manu me les transmettra. Si c'est sur les questions, si c'est des trucs intéressants, je réponds. Si c'est des conneries, je laisse tomber. D'accord, Manu? Pas de problème. Et donc, avant la pause, on était à 18 569 connectés. Voilà, maintenant on est à 70. Non, mon sud. Non, 18 570. Ah ouais. Alors on a pris, on a gagné un. Ouais, je sais, c'est Stan qui t'a demandé comment qu'on faisait pour. Exactement. Je le sais. C'est seulement pour t'insulter qui s'est mis sur Internet. Non. Alors les routiers ont-ils le droit? Attends, on me demande la fréquence de WeFM. J'en sais rien. 102.3. D'accord. À Paris, ouais. D'accord. Et les routiers ont-ils le droit de faire les 35 heures? On m'a demandé à Monsieur Mazur. Bah écoutez, 35 heures, c'est déjà le temps que met un routier pour aller de Nancy à Lyon. C'est ça. Bah, 35. Si, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, il n'arrête pas de s'arrêter pour secourir des blessés. Non. Et puis pour avoir des coups, bien entendu. Bon, ouais. Donc 35 heures, ça me paraît poussé. Hein. Bon, déjà, les 35 heures, ça n'a rien à voir avec le déchargement et pour s'arrêter ou pour boire un coup. Or, Monsieur Mazur, capable de décharger 35 heures durant, alors je lui paye un demi. Eh ben alors, dans ce cas-là, vous allez vous calmer un petit peu, parce que là, vous commencez à m'énerver sérieusement encore ce soir. Ah bah non, il faut vous calmer, vous. Non, mais moi, je vous demande de vous calmer, ou sinon, je vous dis au revoir. Mais où est Poids Lourd Mystère? Alors, au revoir. Allez, hop. Manu. C'est évident, Manu, tu lui dis au revoir à Monsieur Mazur, c'est fini pour lui aujourd'hui. Je suis en train de changer le train arrière. Alors, Doc Gironto. Poids Lourd Mystère, l'identité de la boîte noire, quand même. Doc Gironto. Ouais, bah écoute, moi, je pense qu'il faut beaucoup moins de 35 heures. Alors, tu peux m'expliquer? Parce qu'en fait, ça se met par paire de deux dans les camions. Comme ça, pendant qu'il y en a un qui conduit et l'autre qui roupille. Pas à l'heure actuelle. Ils posent sur les aires d'autoroute et en fait, au total, ils font 40 heures. Ouais, mais ils font 40 heures. À deux. Triche, ça, non? À deux, ils font 40 heures. Donc en fait, ça fait 20 heures. Ils font un petit mi-temps, quoi, tranquille. Ouais, mais attends, parce que là, je vois pas. Comment tu peux dire ça, toi? T'en as déjà vu? Je les ai vus de mes yeux vus. T'en as déjà vu qui s'amusent à faire ça? Bah oui, bien sûr. Attends, tu sais que les routiers, souvent, ils travaillent en équipe de deux. Attends, je t'apprends rien quand même. Ouais, non, mais attends, mais moi, j'ai fait de la messagerie, c'est vrai, mais ça... Travaille en couple. Je crois que maintenant, ça se fait plus tellement de travailler en couple. Bah, que leur femme travaille. Non, mais soit qu'ils sont dans la... Que les mecs conduisent, Ouais, mais ça se fait de moins en moins, hein, maintenant, je pense, Je sais pas, mais enfin, tu vois, 35 heures à deux, tu vois, c'est gérable, quoi, c'est pas trop abusé, quoi. Ouais, Manu, on accueille Arnette. Ouf, Oh là là, j'aime pas trop ça. Ouais, bonsoir. Non, non, c'est une fille, donc... Sarnette, bonsoir. Ouais. Mais elle est folle, celle-là. Mais elle avait un coup de tête, laisse tomber. Je kiffe Sarnette, je kiffe les bouffons. Tu lui dis... Ah déjà, ça y est. Ça y est. Ok, bah ça y est. Comme ça, est on, va, on va voir si elle kiffe les bouffons, puis n'importe quoi. On accueille Pascal. Pascal Obispo. Bonjour, c'est Pascal Obispo. Elle est tombée, hein. Ça suffit, là. Private, là. Ça suffit, tous les deux. Mais quoi? C'est chaud, ça. Alors, Richard, tu veux répondre? Je suis vénère. Tout à fait. Donc moi, je trouve que 35 heures pour un routier, c'est beaucoup. Parce que les routiers, bon, comme on a dit tout à l'heure... Bon, je suis en vénère. Ça sauve la vie des gens, ça fait beaucoup de choses. Ça ramène de la marchandise. Ça décharge. Donc voilà, ça décharge tout ça à plusieurs. Et donc moi, je trouve que 35 heures, c'est beaucoup pour eux. Et il faut qu'ils se reposent un peu, tout ça. Surtout que, bon, les femmes, leurs femmes les trompent parce qu'ils sont toujours sur la route. Ouais, ça, c'est un problème. Donc ça, c'est un problème. Pousse-pousse. Mais il est plus là, pousse-pousse. Si, non, non. Si, il est là. Pousse-pousse. Avant, je voudrais passer un petit message aux auditeurs. Non. Non, mais Gérard, c'est important. Dis-moi. Non, mais sérieux, Gérard, il y a un mois, c'était un jeudi, je crois, j'ai dépousselé une grosse dans le 15e. Alors, au revoir. C'est bien cool. Au revoir, pousse-pousse. Bonne nuit pour toi. Il va plus me rester personne, GG. Ah bah, il nous reste Richard et Doc Gironto, c'est tout, hein. Monsieur Mathieu n'est plus là. Non, je l'ai viré parce qu'il commence à me prendre la tête là. Il y a Jean-Louis Demi sur internet, pardon de t'avoir coupé la parole, Gérard. Jean-Louis Demi donc me demande, est-ce que c'est vrai que Sandy va poser dans le prochain calendrier Pirelli? Ça je répondrai pas à cette question, je te l'avais déjà dit. Pour les pneus. Bon, vois, alors entre Richard et Doc Gironto, donc en attendant qu'on aille. J'ai jamais vu Sandy décoré en mi. Non, ça commence à bien faire, Phil Darst. Si on parlait de Pirelli, je crois que c'est pour ça. Tant que t'auras pas compris que c'est pas moi. Ouais, mais ça commence à bien faire parce que là, vous commencez à me faire chier et vivement. J'ai envie de calin. Comment tu que j'arrive? En économisant la Deux fois, ce que tu fais à Bibi. Ça commence à Manu, faut que tu les calmes au stand. Ouais, et moi j'en rappelle d'autres là. Non, mais pour l'instant c'est pas Manu, c'est toi qui t'amuses à faire le con. Tu arrêtes parce que ça commence à m'énerver. Devant ton micro. Alors, qu'est-ce que sont les mains salopes? Regarde, j'ai les mains en l'air, elle dit ta gueule salope. T'as vu ça un peu? Tu fais ça avec ton pénis. Ouais. Qu'est-ce que Manu? Pas des pédales sur la console. Quelles sont les nouvelles des routiers? On accueille Pouce Daddy. Salut. Et on accueille Spirouli. Spirouli quoi? Mais Spirouli? Spirouli. Tu prononces ça bien, ok? Spirouli. En tout cas, il y en a deux qui vont avoir des sites bien pourraves, laisse tomber. Un truc de ouf. C'est cool. J'arrête direct. Pousse Daddy là, et puis Spirouli là, je sais pas quoi. Spirouli. La question c'était l'heure. Oh, la question c'était l'heure où ils ont-ils le droit de faire les 35 heures, donc à toi de parler, pousse Daddy. Ouais, j'espère bien qu'ils font 35 heures parce que leur taf c'est un peu de la glande. C'est un bad boy toi. Enfin, de quoi? C'est un peu de la glande ce qu'ils font comme taf les routiers, je trouve. Tu peux préciser, là, la glande, ils font que de conduire, quoi. C'est minable de faire ça. Feignasse. C'est un truc de feignant, c'est sûr. Attends, là, je vais te dire une chose que... Ou d'alcoolique, quand même. Ouais. À part lever le bras pour se prendre une bière, ils savent pas faire grand-chose, hein. Ils ont la glacière dans les camions, maintenant. Pousse Daddy, conseil que je te donne, tu arrêtes de dire du mal des routiers parce que sinon... Ce que je veux, chacun son avis, la liberté d'expression, c'est tout. Pour l'instant, le jeudi, c'est moi qui commande, d'accord? C'est Gérard, le chef. Donc, t'as pas le droit de dire du mal des routiers si ça... T'as pas le droit, c'est pas bien. D'accord? Ok, le mec, c'est vilain. Ils ont le droit de boire, les routiers. Spiroutif. Spirouli. Ouais, Spirouli, là. Bon, mais c'est... Spirouspif. Ouais, Spirouli. Ouais, 35 heures, ils font ce qu'ils veulent. S'ils vont faire des 35 heures... C'est pas ce perso de merde. Ils le font. Il est sûr. Mais bon, il a beau nom. C'est l'affaire de famille. Allô? Tu réponds correctement à la question? C'est ce que j'aime dire. Attends, tu te fous de ma gueule, là? Non, pas du tout. Non, mais tu prends le train. Non, on parle bien de routier, je vois pas pourquoi elle prendrait le train. Et là, sur l'antenne, Gérard, t'as les pires raclures de la bande des femmes, c'est clair. Hein. Manu Mégan, je te déteste. Manu, tu leur dis au revoir à ces deux-là, Pouce Daddy. Tu leur dis au revoir. Ils ont rien dit. Tiens, pendant ce temps-là, on va meubler avec Internet. Autant te dire tout de suite que ça redescend un peu. Oh non, merde, putain, ça chiche, je l'avais dit. Et il y a un mec qui s'appelle Idéfix qui me dit que ta question est vraiment débile. Bah c'est bien parce que si elle est débile, c'est pour ça qu'on leur demande de faire plus de 35 heures, ils sont pas payés, ils sont payés pareil. C'est façon, là, il va y avoir des grèves, non, il paraît. Demain, grèves de routiers. Attends, non, ça, c'est pas sûr. Pas ça, attends, on sait pas encore, parce qu'il paraît que ça va dépendre. Peut-être qu'ils vont tous se mettre sur le pont. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont foutre sous un pont, à part mater le poteau? Je sais pas, il va le faire une commémoration. Ouais. Bah, Gérard, occupe-toi de ton micro. Combien de temps un routier peut-il rouler? On va demander à... Non, Gérard, fais un sondage avant, parce que le temps qu'on est venu, il calme les autres. Non, mais de manière... Il est calme, je veux dire, il est bien. Il nous reste J'en ai deux nouveaux, là, si tu veux, mais fais ton sondage d'abord. Pensez-vous que les routiers sont accros de la Sibie? Attends. Et la Sibie, c'est terminé, on en a assez. On en a assez parlé. Mais on peut revenir sur le petit sondage rapidement, ça. Alors, 65% pensent que oui, mais c'est de la coque. Moins que la coque, je crois. Ouais, bref. 35% répondent qu'ils s'en servent seulement pour éviter les radars, ça c'est vrai. Bah oui. On parle de la route, voilà. 28% pensent qu'ils l'utilisent pour trouver des putes en France, ça c'est faux. Et 17% pensent qu'on a coutume de dire que la vie c'est dur. C'est tout, Mais tu te bats pour le futur. Quelle aventure. Alors le métier. Accueillir les gens avant de. Oui, avant de faire le dernier sondage, comme ça après on en finira vite. Voilà, donc on accueille Marotitine. Bonjour. Oui, bonjour, je suis le routier. Bonjour Gérard, bonjour les auditeurs, bonjour l'équipe. Bonsoir. Et on accueille aussi Jean-Jacques Pousteau. Bonsoir. Bonsoir, j'appelle des fonds sous-marins. Un petit fond de poisson. Salut Jean-Jacques. Oui, je dorme un peu. Il est sur une table. Je te dis pas bonjour à l'autre Poussias. Allez, Poussias. Ah, ça suffit là, Jean-Jacques, pousse-toi le cousson là. Je kiffe ton bonnet rouge. Alors, j'ai un style. Bah, fini la Gérard, ouais, mais tu le calmes. Non, mais tu le calmes. Bon, allez, c'est toi le chef, mais merde. Alors, oui, c'est ton bonnet rouge, toi, avec l'alcool. C'est faux. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est pas moi. Allez, on se dénonce un peu, merde. Ouais, mais. C'est bon, on va juste vous virer, c'est tout, allez. C'est le mec qui parle. 3, 2, 1, allez, on y va. Alors, dernier sondage, et puis après on attaquera les dernières questions, parce qu'il reste encore une demi-heure. Ouais. Non, même pas, il reste 20 minutes à peine. Les routiers, le métier de routier a-t-il de l'avenir avec l'Internet? Alors, 98% des gens pensent que les routiers, c'est bientôt... Quoi? Que les routiers, c'est bientôt fini? Internet, peut-être que, en fait, après, les transports se feront par Internet. Il n'y aura plus besoin de routiers. Pour transporter les choses, Gérard. Non, mais attendez, je te relis la question. Oui. C'est 88% des gens pensent que les routiers, c'est bientôt fini. Mais avec un C sans rien d'autre derrière, je me demande ce que ça veut dire. Ah, c'est une abréviation, ça veut dire c'est pareil. 45% des gens estiment que Internet, c'est une grosse cibie. Avec du cul, ça c'est faux. 33%, donc ça c'est même pas la peine. C'est quoi? L'histoire de le pont de l'Alma, c'est même pas la peine que je la lise, tu vois. Non mais vas-y, au moins lis pour dénoncer. Non. Putain mais vas-y, les couilles, t'as pas les couilles. Hop, t'as même pas les couilles de lire, putain. Mais non, parce que tu peux pas avoir des couilles et des kisses, hein, ça fait trop lourd à porter. Mais toi, tu prends ta gueule. Parce que celui qui m'a trouvé ça comme bordel. Termine, fais la dernière au moins. Non. Tu fais pas celle de Lividi où on parle de ta Sibie, mais fais. Non, bien sûr. Pour écraser des animaux sur la route, espèce de connard. C'est dégueulasse. Oh, Bréco, les Didi, bon voyage. Ta gueule, t'as va te faire foutre. C'est pas ça du tout, t'es cinglé ou quoi? C'est quoi la dernière? Et 20% ne sont pas d'accord avec moi sur l'éducation de mon animal domestique, espèce de connard. Bah, c'est un écrasement. T'es vraiment l'enculé, c'est toi qui a été me chercher ça. Mais non. Alors tu fermes ta gueule. Mais attends, Gérard, ça parle pas d'animaux, ça parle de ta gueule toi aussi. Chaud. Olivier vient de se prendre une claque dans la gueule. Oh dégage, c'est pris une mandale. Oh la mandale. Je t'ai prévenu. Maintenant tu dégages des studios. Hop, terminé. Voilà. Allez hop, terminé, au revoir. Au revoir, terminé ce coup-là, c'est fini. Dégage. Dégage maintenant, c'est fini. Voilà. Alors, Marotine, Richard et Doc Gironto, donc il nous reste plus que ces trois-là. Ah mais c'est fini pour lui. Et Jean-Jacques Pousteau aussi. Jean-Jacques Pousteau. Ouais. Il devient une mandale, c'est sérieux. Ouais. Ah, c'est bien ça. Moi je préférais quand tu jetais des trucs en fait, c'était plus drôle. Allez, on continue. Combien de temps un routier peut-il rouler? Donc Marotine, toi t'es femme de routier, hein, ce que tu m'avais dit. Hein. Mais c'est une bouffe. Femme de routier. Mm-hmm. Oh, ça suffit là, les autres, s'il vous plaît, merci. Oh, j'ai le droit de la plante quand même. Oh attends, elle doit prendre des coups. Eh, pour un seul, il reste encore un quart d'heure, il reste encore une, deux, trois, quatre, cinq questions à poser. Alors, ouais, c'est un peu de rab. Attends, un peu de rab. Non, non, il n'y a encore. Pas de rab. Après, bah, vas-y, alors. Marotine. Bon, je suis femme de routier, mon mari s'absente du dimanche soir au lundi matin. Oui, je peux rouler. Attends, du dimanche soir, donc il part à 22h ouais. Et rentre le lundi matin. De l'autre semaine. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc il part carrément une semaine complète. Voilà. Donc en fin de compte, ouais, mais combien de temps un routier peut-il rouler? C'est ça la question, c'est que est-ce qu'il a le droit de rouler constamment toute une 24 heures? Non, la réponse est ici. Ouais. Ah, ça, pour l'instant, vous la laissez répondre, après vous répondrez. D'accord. Des fois, il s'arrête pour décharger. Bon. Ouais, mais si, il conduit quoi, 40 tonnes? Ouais. Oh non, mais il décharge pas parce qu'avec la route, ils ont pas le droit de décharger normalement. Non, mais il s'arrête quand même. Ouais, mais il s'arrête pour vider et après il continue. Voilà. Ouais, d'accord, mais c'est ça. Il est plus léger, part plus vite. Non, mais de toute manière, ça, quand je dis décharger, ça veut dire qu'il s'arrête chez son client et le client lui retire la palette qu'il a non, pour lui, eux. C'est lui le client quand il va chez la pute. Mais non, mais arrête de dire des conneries, toi, au lieu d'insulter les routiers. Mais non, on insulte les putes. Bon, alors toi, Jean-Jacques Pousteau, au revoir, ce coup-là. C'est pas moi, Gérard Pousteau. C'est terminé. C'est terminé. Allez, c'est pas moi. Mais c'est pas lui. Jean-Jacques Pousteau, c'est Richard. Eh ben alors, au revoir. Richard, ça y est. Voilà, salopard. Allez, au revoir, Richard. C'est la pute sur la chave. Voilà, c'est terminé, Manu. Tu me reprends plus personne pour les autres questions. On arrête. Quand même. Gigi. Bah, tu me trouves, tu essayes de m'avoir un routier sur le. Alors, je préviens, je demande à Manu qu'il passe. Je veux que ça soit uniquement un routier. Et là, je donne l'autorisation pour le dernier quart d'heure. Parce que même si c'est avec un portable, le routier peut nous joindre aux armées. Non. C'est moi qui commande. Mais t'es un chef de merde. C'est moi qui commande. Non, tu pues du bec, t'es un chef de merde. Tu fermes ta gueule. Alors, il n'y a pas de portable. Tu fermes ta gueule. Vous insultez pas, s'il te plaît, Gérard. S'il vous plaît. Tu me dis des ordres à deux balles. Hein, en plus, tu me parles mal. C'est toute la soirée. Gros porc. Hein, alors, ou tu t'excuses, ou moi, branlette de mammouth que dalle. Alors, tu dégages et tu reprends là, et tu vas à la place de Pilda et tu m'emmerdes pas. Comme ça, que alors, dalle. Hop, tu dégages. Donc, Pilda, s'il te plaît, tu me prends. Ah, je bouge pas, moi. Tu prends quoi? Tu prends le standard pour finir. Bah, comment je fais? Tu vas au standard et Manu fait l'arrière, et c'est tout. Et tu me prends un routier mais non, on en a trouvé un routier, t'as ça, il va le rappeler, là. On l'avait juste. Moi, j'en avais sélectionné deux, des routiers. Il y avait Riton et Ouais, mais... Faut les rappeler. Vas-y, Manu, rappelle-le. Tu rappelles Riton, c'est quoi, Riton et Rita, là, les deux? Oui, Riton et Rita, le couple de routiers. En plus, on avait un couple de routiers. Eh ben alors, dans ce cas-là, faut les appeler. Pourquoi vous me mettez des câbles à la place? Donc, Marotine, donc, ça y est, je crois qu'on a fait le tour à peu près, non? Marotine, attends, s'il te plaît. Oui. Marotine. Oui, on en avait parlé, je te disais, il parle dimanche soir et rentre le lundi matin. D'accord. Donc, semaine. Ouais, j'ai bien compris. Non, mais je précise. Ouais, donc il fait de l'international. Voilà. Ouais, ah, ouais. Non, il n'est pas inscrit au parti, mais... Non, mais il fait de l'international, c'est-à-dire... Il part à l'étranger. Ne commence pas à me dire n'importe quoi, Marotine. Attends, c'est la lutte finale quand même, merde. Je suis une femme de routier, quoi. Je suis femme au foyer, tu vois. Ouais, non, mais quand il part, donc. Mais j'ai pas ton intelligence, hein. Donc, ce qu'il fait, c'est de l'international. Ouais, bah ouais, on est bien d'accord. C'est quoi de l'international, Gérard? L'international, c'est-à-dire qu'il part pendant plus d'une semaine et il rentre comme son mari à Marotine. Donc il part le dimanche soir 22h, il rentre qu'une semaine après. Ouais. Donc le temps qu'il vide son camion où qu'il est, qu'il rappelle son patron pour savoir où qu'il doit reprendre de la marchandise pour rentrer. Donc ça lui fait une semaine très chargée. Ouais. Donc, Doc Gironto, ben, c'est ça que tu voulais me poser comme question, Doc Gironto? Non, pas du tout. Tu me demandes combien de temps il peut rouler. Moi, je sais pas. Tant qu'il y a quelqu'un pour lui pomper le dard, à mon avis, il peut. Non, mais attends, Doc Gironto. Tu sais comment ça se passe, GG. Non, mais Doc Gironto, Doc Gironto, on va pas finir le dernier quart d'heure, parce que là, depuis le début du débat, ça a pas arrêté. Donc, moi, je voudrais qu'on termine le dernier quart d'heure qui nous reste, quand même à peu près potable. Ok, le règle dur, hein. C'est pas gagné, franchement. Ouais, mais... vu le niveau du débat, vu le niveau ouais, du non, mais attends, du débat. Ouais, ben, ce débat-là. Quand tu crèches au foyer, tu parles d'élever le niveau, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, mais moi, je peux vous dire une chose, que ce débat-là, je l'ai déjà fait plusieurs fois, et jusqu'à maintenant, il a très bien marché, ce débat-là. Donc... Aussi, il faudrait penser à payer la pension. Oh, ça va, là. Jean-Jacques Pousteau. Il est parti, Pousteau. Mais non, je suis là. Ah, mais non, il est là, vous n'entendez rien. J'ai une question vraiment, face de babouin sur l'IRC. Ouais, donc je suis revenu parce que ça chutait un peu l'internet. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des rassemblements de routiers à Nanterre? Ouais, je crois que tous les week-ends. Une certaine Roseline. Je répondrai pas à cette question. Manu, c'est lequel aussi? Parce que moi, tu me dis, hein. On va le passer, détecte. Moi, tu me dis. Détecte. La voix de docteur. Doc machin, là. Doc machin. Doc machin est coupé. T'as vu un peu comme c'est rapide? Allez hop, les enfoirés. Hein. Donc ça là, c'est bon. Tu sais que Manu, c'est donc, la bombe. Ouais, je tu sais qu'on a. Eh ben, on accueille, on va te faire plaisir, hein. Riton et Rita. Ah bah les voilà nos routiers sympas. Bonsoir, c'est Rita. Salut, c'est Riton. Ouais, salut à vous deux. Salut. Bonsoir à tous. Ah, ils ont eu quand même la décence de s'arrêter dans une cabine. Hein. On est un couple routier. Ouais, ben prends, si, donc passe-moi Riton parce que ça va. Ok, je te le passe, tiens Riton. Ouais, peut-être c'est le blaireau là. Ouais, allô. Vous restez polis tous les deux. Tu vas pas commencer à me casser les couilles, toi, Rita, parce que sinon, moi, je vais t'en coller une dedans, ce que tu vas t'en souvenir, pigé. Bon, Riton, tu peux la calmer, là. Ça va, ouais. Bon, tu peux la calmer déjà, s'il te plaît, merci, puis si tu veux bien. Je vais la sortir de la cabine, putain, elle est tellement grosse, je sais pas où je l'ai. Elle est trouée dans le qui c'est qui m'a sélectionné? Riton, j'ai la boîte noire dilatée. Qui c'est qui m'a sélectionné ça tout à l'heure? Riton, fais-moi voir ton gicleur. Mais lui, le vieux gars qui tape des trois olifipes à 6 heures du mat. Ouais. Deux là, c'est même pas la peine qu'on. Oh, non, non, attends, on trouve des routiers. Non, non, là, je vais te dire une chose, que c'est toi qui as sélectionné ça, donc. Deux routiers. Non, non, il m'a sélectionné de la merde. Tu les calmes un peu au standard, s'il te plaît, ces deux-là. Qui c'est qui traite les gens de merde, là, ici, là? C'est Pildar. Non, c'est faux, c'est Gérard. Jean-Jacques Pousseau, tu es. Bonjour, Moussaillon, c'est les innocents. Ah, oh, ça y est, Pildar, oui. Bonjour. Attends, c'est qui ce petit merdeux là qui a l'antenne là? On nous appelle sur les portables, on nous dit qu'il faut passer à l'antenne et l'autre il nous insulte là. C'est quoi cette merde là? Pour l'instant, je demande à un autre auditeur mais de qu'est-ce que c'est que cette petite merde? En plus, on l'entend mal, il cause même pas français. Bon, Rita, viens, on se casse. Hein, non, non, mais t'es l'air ça, Riton, on va l'écraser. Ah non, mais attends, mais moi, je ne pouvais pas savoir que j'allais parler à un branleur, quoi. Ah bah alors, au revoir. Ah non, il a rien. En plus, Rita, t'as vu, depuis tout à l'heure qu'on l'écoute, il raconte que des conneries. Manu, au revoir, Riton. Riton et Rita, au revoir. Allez. Ouais, c'est la seule façon de se faire. Attends. C'est de se foutre un cric dans le cul. Tu leur dis au revoir. On casse comme ça. Tu leur dis au revoir. Non. J'ai dit au revoir. J'ai dit encore. À Rita. Ah non, je t'ai dit. Il y a encore Riton. Voilà. Je me casse, je veux changer de nom, ça pue quoi. Et franchement, là, ils t'ont un peu cassé. T'aurais pu quand même te. Ouais. Bon, bah, c'est simple, on va faire la conclusion. Bah, il reste... c'est Carole, je suis avec Sandy, elle est en train de se faire mettre par Henri, putain, elle aime ça, cette grosse salope. Oh là là là là là là, mais vas-y quoi. Putain, bon, allez, Manu, réagis. Mais non, mais c'est qui? Mais réagis, Manu. Bah, non, mais c'est fini, c'est pas la peine. Il reste Jean-Jacques Pousteau. Non, mais de manière, on arrête, comme ça, ça va aller. Ça non, va non, aller. Mais j'ai. Non, mais c'est terminé. Vous arrêtez pas de faire des conneries, donc j'ai prévenu. Je laisse l'antenne avec 5 minutes d'avance à Stan et c'est tout. Donc, ma routine. Mais Stan n'est pas prêt, hein. J'étais avec non, lui. Non, mais j'étais avec lui, là, juste quand non, tu m'as non, dit. Non, mais j'étais avec lui, il prépare son émission, il non, sera non, pas prêt. Non. Tu te fous de ma gueule alors, pour l'instant. Jamais. Non, tu arrêtes de dire des conneries. On fait la conclusion, t'adore, terminé. Moi, tu sais. Hop, terminé, c'est tout, c'est fini. Le débat s'arrêtera là, les autres questions, on les posera pas. Non, Max, il ça, veut ça. Pas. Max, il veut pas. Quoi, il veut pas? Il veut pas qu'on arrête le débat. Mais bien sûr que non, on va continuer. Attends, non. Mais arrête, c'est génial. Attends. Je te dis que non. De toute façon, on doit passer une page de pub à 3h. Il n'y a pas de page de pub, tu fermes ta gueule. Si, on a toutes les pubs pour les bières. C'est quand, ça, quand tu ils ont su que tu venais, ils ont tous demandé des écrans. Ils ont pas fait une pub pour ta mère de merde. D'accord. Tu t'as mal fait. Bon, tu cartonnes. La conclusion, et c'est terminé. Ma mère de merde. Ma routine. Mais t'as viré tout le monde. Et il y a 3 minutes avant la pub de bière. Hein. Bon, bah on va mettre les routiers du plaisir. Avec Excusez-moi. Ça y est, ça vient de parler. Il y a Martine qui est toujours là, ma rotitine. Ah, ma rotine. Voilà. Je suis là, oui, tout à fait. Voilà, je viens d'avoir Pousseline. Pousseline de Léon. Allô, papa. Bon, Bon, Manu, bon, allez hop, c'est terminé. Les routiers, on se met le disque. Non, je mets un disque, c'est que vous fermez vos gueules, je vais voir Max. Mais il est là, Max. Tu mets le Max. Il y a Jean-Louis 2000. Hop, on conclut, il ponctait de la merde. On conclut. Il est pas arrivé. Non, il est là, il est en train de perdre l'internet. Il arrête l'internet, il vient. Tu les calmes tous les deux, moi je mets le disque, les routiers du plaisir, avec les gros salauds du gratos sur l'autoroute du soleil, on se retrouve peut-être après. Tu les calmes tous les deux, moi je mets le disque, les routiers du plaisir, avec les gros salauds du gratos sur l'autoroute du soleil, on se retrouve peut-être après. Mais attends, mais moi... On est combien sur l'internet? On est 1000, on était 17 000 quand je suis revenu, on a dû remonter là en plus. Non, mais moi c'est terminé. Là-bas, regarde, mais regarde, ils sont foutus, putain. J'ai bien géré. Regarde. Apparemment, regarde. J'ai bien géré. Il y a 24 lignes qui sonnent. Bah il n'y en a pas une. Mais Gérard, tu m'as regardé toute la soirée? Ouais, fun. Allô, fun, bon. Bah, dis fun, ouais. Attends, je te le mets bien. Ah, là, non, c'est Gérard. Bon, qu'est-ce qui se passe? Salut. Ouais, Sandy. Gérard, t'appelles pourquoi? Mais prenez les lignes. Pourquoi tu éteins ça, toi? C'est marrant, toi. Tu crois que c'est facile de prendre des lignes comme ça? Il faut du blé, hein. Putain. Quoi? Non, mais tape pas Manu. Tu me fais de la merde, encore? Il tape Manu. Eh oh. Oui. Mais ça sonne plus, ça sonne plus. On s'est pris tous les trois une dingue ce soir, quand même. Regarde, mon cul, tiens. Je te mets dans le cul, ma paye est en train d'exploser. Oh merde, là on est regarde. Regarde combien on est. On est revenu. Ah là là même là. Même truc que tout à l'heure, tu vois. Allez, vas-y, reprends l'antenne, c'est fini. Reprends l'antenne, dans 20 secondes, c'est fini. Dans 20 secondes, c'est terminé. Non, eh oh. Quoi? Ma gueule dans 20 secondes. Quoi? Et ça fait 3 minutes que vous parlez. Tu mets le disque. Ça fait 3 minutes que vous parlez. Tu mets le disque et tu fermes ta gueule, il fait pas 3 minutes. Mais si, c'est que tu mets le disque. Mais de toute façon, c'est bientôt fini là, face à la dernière question là. On me demande s'il y a un rapport entre Sandy et la marée noire et tout ça. Tiens, 14 secondes, 14 secondes, j'envoie le jingle. Je mets ton casque, on y va. 14 secondes. Tu dégages. Pour terminer, donc, on va faire. Gérard, vide la poubelle sur film d'art. T'arrêtes un peu là ou pas là? Ça a dérapé, ça arrive à tout le monde. Gérard, la poubelle. Putain. Mais non quoi. Hey, tu commences à non, ça dérape. Film d'art. C'est tous les vendredis ta merde. Non, jeudi. Pourquoi t'as du marron au cul? Jeudi, c'était la merde. Tous les jeudis maintenant, vous me foutez la merde. Mais t'énerve pas, tu fais quelqu'un dans ton slip après. Ça sent. Manière, ça c'est mou. C'est mou, il y en a partout, ça coule le long de ta jambe, c'est dégueulasse. Mais ta connerie, toi, espèce de gros con! Bon, alors, s'il vous plaît. On y va? S'il vous plaît! Est-ce que t'as des traces de pneus dans ton slip, on me demande? Ta gueule, toi! Corbier, sûr. Bon, Gérard, tu prends les auditeurs? Alors, qui c'est qu'on a pour terminer? Ah, je sais pas, c'est pas moi le débat, hein. C'est pas mon débat. Bon, qui c'est qu'on a pour terminer? Eh ben, on y va à l'arrache. On a donc Marotitine. Marotine, oui! Ouais, Marotine, pardon. On a Gustave, hein, à la place de Pousseline. Ouais, salut! Voilà. Gustave. On a à la place de Rita, on a Jean-Pul. Ok, si tu veux. Bon, voilà. Montauban, Sarcelles ou Argenteuil. Allez, vas-y pour Montauban. C'est parti, Montauban, 107.2. Et à la place de Doc Géronto, on a Michael. On a Michael. Salut, oui, Michael. Bonsoir. Donc, Michael Booster. N'importe quoi. Michael Booster. Donc, ça dire. Michael Booster. On dirait que je change de nom pour Mikey Booster. Bon, Gérard, tu gères ton débat, bordel. Des auditeurs de ouf. Mais c'est qui le chef? C'est Manu ou c'est toi? Pour l'instant, tu le calmes un peu, lui, là-bas. Je suis comme l'homme à la cigarette. Je dirige tout dans l'ombre. Ça continue, Manu va prendre ta paye. Ta gueule, toi! L'homme au patch. D'accord, Michel. C'est fini, j'ai lâché tout. Genre, il s'arrête de cloper. Donc, dernière question. Y a-t-il plus d'hommes? Oh, tu fermes ta gueule quand je pose la question! Vas-y, parle à Manu, c'est notre pote, là, on s'en fout de tes routiers. Ta gueule, toi! Mon pote! Allez, Gérard! Bon, Manu, tu me calmes bien le temps. Qu'est-ce que j'y peux? Tu calmes le connard, là! Vas-y, calme-toi, connard. Ah bah, tu le prends! Calme-toi, connard. Bon, allez, tu dégages, toi. Vas-y, vas-y, Gérard, pose ta question. Alors, j'en plus les mecs, gueule, au revoir. Vas-y, pose la question. Vas-y, pose la question. Tu me dis au revoir à ces deux-là, ça commence à bien faire. Ils sont partis, vas-y, vas-y, ta question, Gérard. Dernière question, y a-t-il plus d'hommes routiers que de femmes? On demande à Marotine. Oui, bah évidemment. Donc tu peux préciser Un pourcentage? Si tu veux, ouais, en gros. En pourcent, 98. Kilo 98% d'hommes. De la jambe droite, oui, de d'hommes, oui. Ouais, bah je pense qu'il y a... Ouais, en gros, ça doit... Ouais. Je vais te dire oui. Bah ouais. Donc, Gustave. Gustave. Il n'y a pas de Gustave, il y a Jean-Pul. Non, il y a Gustave. Il a dégagé, il y a Gustave. Ah, Gustave. Gustave. C'était celui qui a remplacé Pousseline. Gustave. Ah non, moi c'est Punky Booster. Ah merde, il y a un truc que j'ai pas géré. Oui, exact, Punky Booster, exact. Ouais, j'ai même c'est pas écouté. N'importe quoi le boulot là. Mais il est sorti alors, mais je sais plus, moi tu cries tout le temps, Gérard. Ouais, merde. Je comprends rien, Gérard. Merde, tu cries, ça fait que moi je comprends rien, alors chier. Ok. Vas-y, Ernest, mets-lui des pouces, ça fait cette grosse salope de sang. J'ai coupé. Allez hop. Moi j'ai fait. Tu vas accueillir deux auditeurs? Bah non, il est 2h, c'est fini. On me demande ce que ça fait. On finit la question. Non, on finit la question avec. Excuse-moi, non, Olivier, ce que ça fait un poids lourd sur le Japon. Tu vois, il dit que des conneries, putain, laissez-moi accueillir mes auditeurs. Ça commence à bien faire. C'est terminé sur l'internet, c'est plus la peine de poser des questions. Vous pouvez vous arrêter de taper. Terminé. Arrêtez de taper. Donc, pour terminer. Je peux faire mon boulot ou pas? J'ai dit arrêtez de taper sur internet. Ta gueule, toi. Je leur dis arrêtez de taper. Il a dit stop, on ne tape plus. Moi, Gérard, je vais te virer. Hein. Donc, c'est pour terminer. Donc, on a Ringis Fucker. Et on a Dev Superstar. Et on a Punky Brewster. Booster. Booster. Et l'autre, là, c'est des qui? Martitine, c'est celle qui a insulté. Après Ringis. Ringis Fucker et Dev Superstar. Dev Superstar. Bon, hier, ça va. En un seul mot. Bon, ok, donc pour terminer la question, je la répète pour une dernière fois. Ouais, et grouille-toi, s'il te plaît, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Si t'es pas content, c'est le même prix. C'est pas grave, Gérard, vas-y, pose-la. Donc, il y a plus d'hommes routiers que de femmes. Mais... Ouais, bien sûr, c'est très con comme question. Bien sûr qu'il y a plus de mecs. C'est qui... poser quelque chose de plus intelligent. Alors, au revoir toi-même, connard. Salut. Salut, connard. C'est qui? Dis-moi un nom. C'est Michael. Dis-moi un nom, il n'y a pas de Michael. Non, c'est David Star. Hop, au revoir, c'est celui-là. Non. Mais c'est Punky Booster. Punky Booster. Hop, terminé. Ringis. Ouais, bah écoute, c'est clair, moi je pense qu'il y a quand même nettement plus d'hommes, parce que les femmes c'est des feignasses, comme d'hab. Non, faut dire... Si. Alors pourquoi il n'y a que des hommes? Non, alors je vais te dire une chose, que déjà tu te trompes, avant de dire qu'il n'y a pas de femmes, parce qu'il y a des femmes quand même qui sont routières. Ouais, mais il y en a deux, trois. Non, il y en a maintenant... À moi, ça soit l'odeur qui les gêne. Non, mais il y a beaucoup l'international, il paraît des femmes. Oui, c'est plus sur l'international que... Même sur... Il y en a quand même. Hein. Il y en a quand même. Ouais, mais moins que. Moins sur... que l'international. Hein. Ouais, mais sur l'international, c'est normal parce que c'est eux qui sont les mieux payés par rapport à ceux qui sont en France. Hein. Ah, ils sont mieux payés. Je pense que oui. Donc, conclusion de ce débat. Déjà? Bah, vous voulez encore une question? Oh, mais bah, allez, on déborde un peu, on s'en allez. Fout. Voilà, c'est la question. Donc, un routier a-t-il le droit? Un routier peut-il prendre quelqu'un en stop dans son camion? C'est la question que tu voulais savoir. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc voilà, la question. Donc, Martine. Non, elle est partie, c'est elle qui t'a insulté. Ah bon? Bah, carrément, toi, tu pourrais me prévenir alors. Non, je te l'ai dit, mais tu m'écoutes pas, tu cries. Bon, alors donc, qui c'est qui nous reste pour cette dernière question? Écoute-moi, sans crier. Donc, on a Dev Superstar. Ouais. Toujours. On a Ringis Fucker. Oui. Et on accueille. Tu m'as fatigué. Hein. Arnold Despoussy. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Il m'en manque un là. Je cherche. Dev Superstar, Ringis. Ringis Fucker et Arnold Despoussy. Bah, il m'en manque. Ah bah non, Arnold Despoussy, c'est en un seul mot. Hein. Ouais, ouais. Donc, on termine avec ces trois-là. Puis je vais en trouver un dernier. On veut tout, c'est vrai. Vous avez écouté la question? Non, carrément pas. Peut-on prendre en stop un routier? Un routier peut-il prendre quelqu'un en stop dans son camion? On va demander à Dev Superstar. Oui. Bon, oula. Attends, Dev Superstar. Ouais, on a un guest pour la dernière question. On a Jojo. Jojo d'Ajaccio. Oui, bonsoir à tous, ça va? Salut Jojo. Salut Jojo. C'est un peu André Lamy de fun, tu vois. Ouais, ça va. C'est déjà le débat des neuneux. Ouais, c'est le débat des neuneux, comme tu dis. T'as raison, toi. À 2h du matin, c'est le débat des neuneux. À partir du moment où t'es là, Gérard. Deb Superstar, tu réponds à la question. Oh, merci pour l'insert, Fildar. Hein. C'est l'insert qui déconne. Ouais, mais merci. Merci pour tout ça. On pourra écouter Imu Vrini. Ouais, c'est ça. Te dis ce qu'elle a demandé, c'est le matin. C'est le matin à 6h avec Bob. Ok, le mec. Tu peux la gagner, la Merco. Deb, avec Bob, demain matin à 6h. Deb, superstar. Une Merco. Deb, superstar, s'il te plaît, pour répondre à la question. Alors, une routière peut-elle prendre. Un routier peut-il prendre quelqu'un en stop dans son camion? Oui, je faut prendre ma gueule quand je pose des questions. Attends, c'est ce que je dis, une routière peut-elle prendre... Un routier. Bah, évidemment, à partir du moment où elle arrive à ouvrir cette grosse porte... Bon, alors, la grosse porte, Dev, superstar, je te dis au revoir, parce que tu me payes une chambre d'écho. Il a rien dit. Il me paye une chambre d'écho, pas possible. Et tu une chambre d'écho, une pipe... Avant d'ouvrir la grosse porte, il s'appuie sur la grosse pédale. Voilà. Ouais, bah d'accord, au revoir. Bon, il est trop cool, Gérard. Tu peux lui dire au revoir parce que la chambre d'écho, ça vient de chez lui. Cochonne, toi. Voilà, c'est ça. Alors, au revoir. Allez, Rangis. Rangis. Ouais, bah écoute, je sais pas, franchement, honnêtement, la chouette. Ouais, non, je sais pas, j'ai même plus la question. C'était quoi la question, Gégé? Un routier peut-il prendre quelqu'un en stop dans son camion? Pildar, s'il te plaît, tu arrêtes parce que c'est toi, là. C'est pas les auditeurs. Chaud. Ah bon, t'as vu? Moi, j'ai fait du bon boulot, moi. Il est temps que vous preniez des vacances parce que ça commence à bien faire. Je suis pas en vacances, moi. Toi, t'es encore là toute la semaine, ça va être beau encore. Chaud. On me demande si t'es arrivé facilement à conduire avec ta rotule en acajou, Gérard. Bon, toi, tu calmes. C'est Starty, hein. On peut répondre? Mais rapidement, on répond à la dernière question et on fait la conclusion. Non, mais lui là-bas, bons amis, allez. Déteins ton micro, s'il te plaît. Avec 10 000 francs pour mettre de l'essence dedans. Bon, Jojo, tu te calmes parce que tout à l'heure, j'ai bien. Quel œuf? Bon, Rangis. Ouais, tu m'écoutes. Bon, j'écoute. Bon, le stop, faut faire gaffe parce que quand même, ça peut être dangereux. Moi, je sais que j'ai vu dans le journal l'autre fois, là, il y avait une mère grand, elle avait agressé un routier. Et ça s'était mal fini parce que le routier n'avait pas pu se défendre. Parce que en fait, il était occupé à conduire et la mère grand l'avait agressé sauvagement, sexuellement en plus. D'accord. Arnold. Et voilà. Ah bah ça y est, c'est bon, on a compris. Arnold. Ouais. Arnold. Ouais, c'est moi. Bah déjà, pour faire du stop, on met son pouce. Ah t'as pas vu. Mais qu'est-ce que c'est que ces auditeurs de merde que vous me faites. Non mais c'est vrai, bordel. Hey, tu fais quoi quand tu fais du stop, tu es. Un routier peut-il prendre quelqu'un? Bah, peut-il prendre quelqu'un en stop? Bah donc tu lui fais un pouce avant. Il a trouvé son fond de commerce. Il prend dans sa cabine. Mais en général, les routiers, je pense qu'ils prennent plus les gonzesses. Hein. Jojo d'Ajaccio pour finir. Non mais Jojo, il aime pas les routiers. T'aimes quoi, toi, connard? Moi, j'aime tout, mais sauf les routiers. Les routiers, tranquille. Moi, j'aime les mercos, fin de radio. Ouais, bah, tu iras voir Bob demain matin, 6h. Donc, la question... Fais passer ce 4 scud, là, Gérard. Fais pas ta pute. Merci de les avoir coupés. Donc la question, un routier. Un routier peut-il prendre quelqu'un en stop dans son camion? C'est non. La question est non. Parce que c'est interdit. Ils sont pas assurés s'ils prennent quelqu'un en stop dans leur camion. Et quand on les voit dans les films alors, on prend des gens. Non, mais ça, c'est dans les films. Pourtant, moi j'en vois dans leur camion au Bois de Boulogne qui prennent des gens dans leur. Et ta connerie, toi! En stop. C'est clair. Tu fermes ton micro. Chaud! C'est chaud! Allez, c'est chaud! le mec, ah, le Manu. Oh là là là là, la drogue. Oh la dope qu'ils ont pris ceux-là. Je sais pas ce qu'il a fait hier soir avec sa robe, le Manu, mais là. Ouais, mais je crois qu'il a. Avec sa mère qu'il a chopé des grands. Ouais, je crois que. Non, mais. Je crois que c'est vrai qu'hier il a été au Queen avec sa mère. Je crois que ça a du gaz. Oh, je dirais pas qu'il est la quête. C'est 30 donc. Au club 41 et tout, laisse tomber. Ouais, ça y est, s'il vous plaît. On l'a bien entendu quand même. Donc le débat est terminé, c'est ça? Donc c'est terminé là. Chiant, c'est chiant, c'est fini, c'est chiant. Oh là là là là. Comment il se la raconte? Et après, je voudrais parler au fournisseur de cam de Manu, ça va pas du tout. Ouais, ben, donc alors, conclusion du débat, on va demander à Jojo d'Ajaccio, à part s'il veut me parler de la Mercedes, c'est pas la peine. Non, non, je parle pas de la Merco, mais mets les 4 scuds quand même. Ouais, ben c'est ça, alors Jojo, bonne nuit. Ah, tu limites bien mon bonnes vacances et à dans un mois. Au revoir, Jojo. Michel Leb, bonne nuit, Michel Leb. Arnold. Et Poussy. Et Poussy, s'il te plaît. Arnold et Poussy. Faut faire la conclusion, là. Ouais. Ouais, je te vois que ça me gonfle un peu, donc... Chiant, chiant, c'est chiant, ça gonfle. Chiant. Voilà. Ok. C'était bien relou comme débat, je trouve, Gérard. Mmh. Et pour le mois prochain, essaye de préparer des questions potables. Il sera pas là, il s'est opéré. Non, je serai pas là. Justement, il n'y a pas de débat. Quoi, il s'est retiré du fer, de ton troisième kyste. Ouais. Non, il se fait remettre une jambe. Rungis, pour terminer. Bah écoute, le débat était bien. L'animateur était quand même limite. Et puis voilà, non, t'as bien fait d'aborder le débat. C'était chaud brûlant, comme dirait Manu. Moi, je dis que ça aurait pu être dangereux. Tout à fait. Et puis sinon, ouais, je regrette qu'on n'ait pas eu une invitée mystère pour témoigner, tu vois, qu'elle fasse bah, elle bosse, hein, elle bosse. Ah bon, elle bosse. Mmh. Ouais. Cette heure-là. Qui le touche, 15e. Le 15e, ok. Donc, alors, la conclusion du débat. Donc, je te remercie, pardon, c'était Rungis, je te remercie quand même de la conclusion. Pas de problème, vous deux. T'as raison, bah, moi, je t'en. C'est bien. Donc, conclusion du débat, bah, Manu, comme d'habitude, ça pouvait aller sur certains points. Merci mon pote. Il y en a un, alors lui, c'est même pas la peine d'en parler. Ouais, mais Olivier, c'est vrai que t'as pas assuré. Non, c'est bizarre parce que c'est toi qui a pas arrêté de foutre ta merde. Je suis pas d'accord. Donc, pour moi, ce soir, c'est toi qui a foutu tout ton bordel, donc c'est sur toi que ça retombe. Mmh. Donc, ben voilà, c'est toi qui a foutu ta merde un maximum. Au niveau de la conclusion du débat, en parlant des routiers, Non, mais moi, je te parle de la conclusion aussi d'ici. Mmh. Donc, c'est toi qui a foutu ta merde parce que c'est toi qui t'amusais avec les jingles, c'est pas les auditeurs. On a viré des auditeurs pour rien alors que c'était toi qui foutait ta merde. Mmh. Parce que ça, Manu, il les a eu au standard et c'était pas eux. Et puis ça, faut que j'en chez moi. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire que c'est dommage qu'on n'a pas pu aborder plus de questions parce que t'as foutu quand même assez de la merde. Dépêche-toi, Fougeant, c'est moi. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a des gens comme Chacal qui nous demandaient pourquoi on n'avait pas parlé, par exemple, des parents des routiers, des mères. Chiant, c'est chiant, chiant, chiant, les mères des routiers, chiant. C'est vrai. Regarde. Bon, on termine combien? Il est 2h10 du matin, on termine. On est 4 dans le studio, sympa. Mais on est potes, on est tous potes, merde. On a terminé à combien? 17 500. 17 500. Tu as dépassé les 10 000 sans jouir, hein, quand même. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Que ben Max n'est pas là, donc durant toute la semaine, c'est Manu qui sera là pour faire le best-of. Donc... Mais c'est clair, ça va être chaud, on va bien se marrer. Ouais, j'ai l'impression. Donc dimanche, il n'y a pas d'éclipse. Il n'y a pas d'éclipse, non. Il n'y a pas de musique. Il y a balade nocturne. Il revient quand même faire balade nocturne. Non, ça sera enregistré. Ah bon? Il y aura quand même balade nocturne. Donc, Max n'est pas là toute la semaine. Donc, il part en vacances. Il va au Club Med. Où déjà? À Miami. À Miami. Donc, ça sera. Frontière kosovarde nord. Ça sera Manu qui va faire so pendant une semaine. Et puis, donc, n'oubliez pas quand même aussi l'anniversaire de Jean-Pierre Sauzère. Donc, le 4 avril. Donc voilà, donc ce que j'ai à dire. Et toi, tu vas te faire opérer de la rotule? Moi, je me fais opérer donc de la. En tech massif, ta rotule. Je me fais opérer donc je ne risque pas de vous revoir. De vous revoir donc pour la fin du mois d'avril parce que ça c'est sera cool. trop court. Bah oui, ça sera trop encore court. Ressoudé. Ouais. Donc je pense que vous allez pouvoir m'avoir par le bien de mon téléphone. Pascal Fildar, on a le courage d'appeler quand même comme on a prévu. Donc, moi, je vous souhaite. Une petite conclusion de notre coco, quand même, comme quoi la CB, c'est chambé pour pécho des gros tons. Et c'est les routiers devraient éviter de se reconvertir à la, dans la radio quand ils vident 10 litres de bivine par jour. Chant chant qu'on est là. Donc, vous allez retrouver. T'as le disque, t'as le titre du disque ou pas? Vous allez retrouver Stan pour la, la nuit sans pub. Et puis demain matin, 6h, Rousseau pour vous faire gagner la merci. 6h, Rousseau. Chant ça, ça ferait bien kiffer, mais ça se fera pas. Mais, c'est de sa pote là-bas, parce qu'il est malade en disant chaud. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Ah ouais, j'embrasse la, ma petite Bibi. Bon, bah c'est bon maintenant, Mangto. Donc, je t'embrasse, Bibi, et je te retrouve tout de suite. Et donc, avec Manu, du Mangto. Oui, qu'est-ce que tu veux, Gérard? Donc, on va s'enculer un peu, quoi. Chaud! Qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on se mette un peu? Bob, demain matin, 6h, avec, pour la Mercedes, que Jojo d'Ajaccio voulait gagner. Donc voilà, et on va se re. Le, normalement, c'est ça? Attends, t'as perdu une dent, là. Donc, on va se routier les routiers du plaisir avec la Sado Grado sur l'autoroute du soleil. Bonne nuit à tous et à dans 2 mois, au mois de mai, si tout va bien.